Alors bonsoir tout le monde, bonsoir à nouveau. Donc on va commencer ce débat. Alors je pense que vous avez le temps déjà de discuter avant, vous aurez le temps de discuter après. Alors à partir de maintenant, je vous demanderai d'écouter les candidats et candidates qui sont là ce soir. Et voilà, de porter oreille, vous pourrez recommencer vos discussions par la suite. Je le mentionne dès maintenant, tout au long du débat, je vous demande de ne pas, dans vos réactions, je peux comprendre que des fois on a envie d'appuyer ou peut-être des fois on est en désaccord aussi. Je vous demanderai idéalement de ne pas trop l'exprimer d'une manière bruyante. Il y a toujours les mains qu'on peut agiter pour montrer qu'on est d'accord avec un commentaire. Le but, simplement, de ne pas ralentir le débat, de ne pas enlever du temps de parole non plus aux candidats et candidates et de s'assurer que tout le monde puisse avoir son temps de parole. Donc, merci d'avance pour votre collaboration. Alors, ce débat pour Beauport-Limoilou pour les élections fédérales 2019 est présenté par Mont-Limoilou en collaboration avec CKRL et le Carrefour de Québec. Je me présente, Michaël Bergeron, je suis journaliste au Soleil, chroniqueur au Voir, et j'anime de nombreux débats électoraux depuis plusieurs années, presque à toutes les élections, que ce soit municipales, provinciales et fédérales, à mon grand bonheur, parce que j'aime bien ça. Je le mentionne, même si pour vous ça doit être une évidence, mais on est au Centre communautaire Jean-Guy Drolet. Je le mentionne parce que ce débat est enregistré et sera diffusé sur les ondes de CKRL 89.1 mercredi prochain, le 16 octobre à 10h. Vous pouvez également commenter ce débat en tweetant ou encore sur Facebook avec le hashtag BeauportLimoilou19. Tout ça en un mot, sans tirer rien, donc BeauportLimoilou19. D'ailleurs, nous avons aussi Jeunet de Mont-Limoilou qui tweetera tout au long de cette soirée. Donc, vous pouvez suivre également le compte de Mont-Limoilou, tout simplement. Je remercie déjà les candidats et candidates d'être là ce soir, d'avoir accepté notre invitation. Je tiens à le mentionner, nous avons invité les 6 partis. En fait, tel que défini par le commissaire des débats. Donc, nous avons invité tous les partis, mais l'équipe de la candidate locale du Parti populaire du Canada n'a pas donné suite à notre invitation. Alors, je vous présente les candidats et candidates présents et présentes ce soir. Je commence en fait par ordre alphabétique. Donc, nous avons Simon-Pierre Baudet du Nouveau Parti démocratique. Nous avons également Antoine Bugeaud du Parti libéral du Canada. Alupa Clark du Parti conservateur du Canada. Bonjour. Merci. Dalila Elak du Parti vert du Canada. Bonsoir. Et Julie Vignola du Bloc québécois. Je vous explique le déroulement de la soirée. Il y aura 7 questions qui seront posées aux candidats et candidates autour de 3 grands thèmes, soit l'environnement, la société et l'économie. Chaque candidat aura 1 minute pour répondre à chaque question. Une période d'échange libre de 5 minutes suivra pour chacune des questions. Lors des échanges libres, le temps d'intervention est d'environ une trentaine de secondes par candidat, mais évidemment, on va suivre selon aussi le bon déroulement des échanges et ça que tout le monde puisse parler. Le public présent, je le rappelle ici au Centre Jean-Guy Drolet, est invité à poser ses questions. Il y aura une période de 20 minutes à la fin pour poser vos questions aux candidats et candidates. Donc, vous pouvez aller près de l'entrée pour écrire votre question. Il y a stylo, papier, tout est prévu pour que vous puissiez participer. La période de questions, donc voilà, sera à la toute fin de ce débat. Le débat va s'ouvrir avec un mot d'ouverture et se terminera avec une conclusion pour chacun des candidats. Je tiens à mentionner aussi que l'ordre des interventions pour chacune des questions ainsi que pour l'ouverture et la conclusion a été tiré au sort. Alors, on va commencer ce débat avec le mot d'ouverture de chacun des candidats et candidates. Ils ont chacun et chacune 1 minute et on va commencer avec Julie Vignola du Bloc québécois. Eh bien, bonjour. Tel qu'annoncé, je suis Julie Vignola, candidate du Bloc québécois dans Beauport et Limoilou. Je suis maman de 4 enfants de 9 à 20 ans. Et je suis ici avec vous ce soir pour vous présenter les propositions du Bloc, des propositions qui sont en lien avec le Québec, ses compétences, ses valeurs, ses juridictions, afin que le Québec puisse croître et être fier de qui il est, de qui nous sommes tous ensemble, qu'il s'agisse d'environnement, d'innovation, de technologie, qu'il s'agisse de dignité humaine, de personnes âgées, d'éducation, etc., tant et aussi longtemps que c'est dans les compétences du Québec, il est important que le Québec soit respecté et le Bloc québécois est là pour s'assurer que le fédéral n'interviendra pas dans nos compétences. Voilà. Merci beaucoup, Mme Vignola. Je prends le temps pour rappeler qu'évidemment, éteindre son cellulaire est une bonne chose pendant un débat. Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à Alupa Clark du Parti conservateur. Bonjour à tous, chers citoyens et citoyennes, Alupa Clark, votre député fédéral. Merci d'être ici en si grand nombre. J'aimerais saluer mes candidats et collègues qui se présentent pour les autres partis. Moi, je suis votre député fédéral depuis 4 ans. Je suis né à Beauport, j'ai grandi au Nouveau-Brunswick et j'ai vécu 4 ans dans une île du Pacifique, les États fédérés de la Micronésie. Je suis un père de 2 enfants et je suis marié. Je suis revenu au Canada à 17 ans et je suis tombé en amour littéralement avec le pays. Et après 12 ans de bénévolat actif au sein du Parti conservateur du Canada, j'ai été élu grâce à votre confiance. Confiance en 2015. Dès mon élection, j'ai voulu démontrer mon proactif, mon dévouement et mon accessibilité sur le terrain. J'ai travaillé sur 3 piliers fondamentaux, c'est-à-dire le développement économique local, de briser le cynisme politique en étant un député de proximité et d'assurer des services exemplaires à mon bureau de circonscription. Et j'aimerais vous dire que le Parti conservateur, nous avons une vision positive. Nous voulons abaisser le fardeau fiscal pour rendre la vie plus abordable et nous voulons respecter la nation québécoise avec un rapport d'impôt unique, plus de pouvoir en immigration et de protéger la loi 21, car c'est une décision collective des Québécois. Merci et bon débat à tous. Merci, M. Clark. On poursuit avec Simon-Pierre Baudet du NPD. Bonjour, je m'appelle Simon-Pierre Baudet, je suis candidat pour le NPD. J'enseigne la littérature au cégep Limoilou depuis 12 années. C'est la matière préférée des étudiants, j'en suis très fier. J'habite le quartier depuis très longtemps, 1986. Je suis diplômé de l'école primaire Saint-Fidèle, de l'école secondaire Jean de Brébeuf, du cégep Limoilou. Puis bon, j'ai décidé que c'était ici que j'allais vivre dans ma vie, puis c'est ça. En 2006 et en 2008, j'ai porté les couleurs du NPD à Québec. Ça m'a fait plaisir de construire ce parti sous la chefferie de Jack Layton. Ça m'a fait plaisir également quand Raymond Côté a été élu sous Jack Layton en 2011. Et ça me fait plaisir encore une fois de revenir cette fois-ci sous la chefferie de Jack Layton. La cause de mon retour, techniquement, j'avais dit que je prenais ma retraite à un bas âge. Je suis de retour à cause de l'urgence climatique. C'est vraiment quelque chose qui me trouble. Moi aussi, j'ai des enfants. Ils sont très jeunes. Ils ont 3, 6 et 8 ans. Si elles vivent octogénaires, la Terre devrait s'être réchauffée de 7 degrés. C'est quelque chose qui me trouble profondément. J'ai décidé d'agir là-dessus. Merci, M. Baudet. On poursuit maintenant avec Dalila Elak du Parti vert. Bonsoir. Moi, c'est Dalila. En fait, je suis journaliste de formation. J'ai une maîtrise en sciences politiques. Quand je suis arrivée à Québec, je suis arrivée à la même année où il y avait eu l'épisode de Poussière rouge. Ça m'a interpellée. J'ai suivi par la suite tous les processus et les démarches et le recours collectif et tout. En 2015, j'étais candidate pour faire valoir la situation des citoyens et pour que tout citoyen soit écouté, en fait, pour qu'on ne soit pas des dommages collatéraux. Alors, 2015, j'étais candidate. Par la suite, j'étais impliquée avec le conseil du quartier. Je suis allée sur le terrain, sur tous les plans, avec les organismes communautaires, avec tous les regroupements citoyens. Puis j'ai vu, depuis 2012, qu'il n'y a rien qui a changé, ni avec un député NPD, ni avec un conservateur, ni avec un gouvernement libéral. Alors c'est sûr que moi, ce que je veux, en tant que mère de famille, c'est vraiment... Merci. La minute a été dépassée. Okay. Merci beaucoup, Mme Elak. On termine ces ouvertures avec Antoine Bugeaud du Parti libéral. Merci. Bonsoir à tous. Merci d'être présent. Oui, effectivement, je suis Antoine Bugeaud. Je suis le candidat du Parti libéral du Canada dans Beauport-Limoilou. J'ai 42 ans. Je suis père de 3 magnifiques enfants qui m'ont fait le bonheur de venir assister au débat ici aujourd'hui. D'emblée, je veux vous remercier, vous, d'être présent ici. Vous faites la démonstration qu'un exercice démocratique comme celui qu'on s'apprête à vivre est éminemment important en politique fédérale. Vous faites également la démonstration que les candidats d'une élection fédérale, les candidats locaux sont importants et qu'ils ont un rôle à jouer en politique fédérale. Votre présence ici aujourd'hui en aussi grand nombre vient faire cette démonstration. Au cours des prochaines heures, j'ai l'intention de vous faire la démonstration que seul le Parti libéral du Canada a une véritable plateforme progressiste, ambitieuse et réaliste. Dans les dernières années, nous avons mis de l'avant un plan pour protéger l'environnement. Nous avons investi dans les Canadiens. Et moi, ce que je souhaite, c'est d'être un représentant de vos préoccupations, de vos intérêts et de vos valeurs à Ottawa. Je vous remercie beaucoup et vous souhaite une belle soirée. Merci, M. Bugeaud. Alors, voilà pour l'ouverture. On va maintenant passer aux questions avec le premier grand thème de cette soirée, soit l'environnement. Alors, on va commencer avec le port de Québec. Les citoyens et citoyennes de la circonscription sont préoccupés par la qualité de l'air qu'ils respirent. Plusieurs sources sont ciblées quant à cette pollution, dont le port de Québec, qui est de juridiction fédérale. Donc, entre demande de transit de vrac sous couvert et large projet d'agrandissement, comment, candidat-candidate, conjuguer la présence du port de Québec et ses projets avec la qualité de vie et la santé de vos concitoyens? Alors, on commence avec une réponse par candidat. On commence avec Alupa Clark du Parti conservateur. Merci, monsieur. D'abord, dès que j'ai été élu, moi, j'étais très concerné par les questions environnementales, l'épisode de poussière rouge de 2012, et j'ai voulu constater par moi-même ce qui se passait, puis surtout tenter de régler la situation. Au nom des citoyens, j'ai été voir le port de Québec et j'ai voulu maintenir une collaboration et une liaison. C'est important de ne pas défaire les liens avec tous les acteurs de l'environnement, c'est-à-dire les différentes entreprises, les citoyens et les différents organismes communautaires. En 4 ans, si vous demandez aux autorités portuaires qu'est-ce qu'ils pensent de moi, ils sont tannés de me voir. J'ai eu 20 rencontres avec eux, j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression et je suis content parce que moi, je leur ai dit, eux, ils se tardent de dire que leurs mesures d'émanation des poussières sont effectives et ont eu des répercussions positives, donc il n'y aurait plus d'émanation de poussière selon eux. J'ai dit, bien, il y a un bris de confiance qui a été brisé avec la population, donc vous devez prouver que c'est le cas. Donc, à ma demande, avec ma pression, ils ont en ce moment un audit indépendant. J'ai hâte de voir les résultats. Si ce n'est pas concluant, je vais me battre pour vous. Et également, on va mettre en place un forum des élus, que ce soit municipal, provincial ou fédéral. On va pouvoir s'asseoir ensemble et discuter avec les autorités portuaires en votre nom. Merci, M. Clark. Maintenant, la réponse de Simon-Pierre Baudet. Bonjour. J'ai participé à un débat sur l'environnement la semaine dernière à l'initiative de Voix citoyenne. Il y avait une très large portion des questions qui étaient attribuées au public. Plus d'une heure, plus du tiers portait sur le port de Québec. J'ai été saisi par l'ampleur de la colère des citoyens qu'on a littéralement laissé à eux-mêmes s'organiser, découvrir qu'effectivement, ils étaient victimes d'émanations du port, enquêter sur la composition de ces émanations-là et tenter après de se démêler dans les différentes juridictions en conflit là-dedans, si bien que c'est là, à cause d'un recours collectif, finalement, qu'on va avoir une compensation là-dessus. Je dois souligner le travail exceptionnel qui a été fait par le député néo-démocrate Raymond Côté lors de son mandat à ce sujet. C'est lui qui a demandé l'inscription à l'inventaire national des rejets polluants de la compagnie Arrimage du Saint-Laurent. Et les chiffres les plus récents nous indiquent qu'il y a eu une hausse constante des émanations de microparticules. Et donc, très clairement, le port n'a pas fait sa job, les juridictions n'ont pas fait leur job et c'est à reprendre. Merci, M. Baudet. La réponse maintenant de Antoine Bugeaud. Ben, je suis content parce que de la manière dont vous posez la question, on expose véritablement c'est quoi le véritable enjeu ici, c'est la cohabitation entre un important pôle économique et une zone citoyenne. Depuis trop d'années, malheureusement, on instrumentalise le port à des fins politiques pour se faire valoir comme politicien. Et puis ça, ce que ça fait, c'est que ça crée de l'inquiétude au sein de la population parce que, dans le fond, nous, comme élus, notre job, c'est de donner l'information, c'est de s'assurer que le port fait ses devoirs comme il faut, c'est de s'assurer que le pôle économique qui est là cohabite de manière correcte avec les citoyens. C'est le fun en campagne fédérale, on mange du fédéral, on utilise le port, on instrumentalise l'enjeu, mais la vérité, c'est qu'il y a un pôle économique là qui cohabite avec les citoyens. Moi, comme élu, au lendemain d'une élection, le 22 octobre prochain, mon mandat, ça va être de m'assurer que vous tous ici, là, vous tous ici présents, puissent vivre en toute quiétude et être assurés avec les garanties que votre qualité de l'air est bonne et qu'il n'y a pas de danger pour vos enfants. C'est mon rôle comme député et c'est ce que j'entends faire le 22 octobre prochain. Merci, M. Bugeaud. La réponse maintenant de Dalila Elak. Moi, en fait, je veux vous informer que le mois dernier, j'étais ici. Pendant la séance d'information pour inscrire les personnes qui ont voulu s'inscrire pour avoir la compensation de 100 $ ou 200 $. Vous savez que le port a payé des millions de dollars pour des firmes d'avocats. Il y avait des personnes qui étaient atteintes de 2 cancers et 3 cancers qui avaient les larmes aux yeux, qui sont venues ici pour s'inscrire pour avoir un 100 $ qui, cette personne-là, risque de mourir avant de l'avoir parce que les chèques vont être émis à la fin du mois de janvier 2020. Je trouve ça lamentable. En tant que candidate je m'engage à mettre fin à cet agrandissement-là qui va nuire pas seulement à Limoilou, parce que nous, on le vit au quotidien, mais aussi à Beauport, parce qu'ils vont construire un mur avec des wagons citernes. Les métaux lourds, on ne peut pas les éliminer et dire que c'est juste des particules fines. Nous, ici, on a l'incinérateur qui est le troisième pollueur en Amérique du Nord, mais le port, la direction du port a besoin d'être changée. Ils n'ont rien respecté, ni les citoyens, ni les règlements. Merci, Madame Elac. Et on termine ce premier tour de réponse avec Julie Vignola. En somme, le port, ce que j'entends, ce qu'on vit, c'est un manque de transparence. Et il est important que cette transparence-là soit effective. Monsieur Clark a fait des efforts et nous nous engageons tous de différentes manières à en faire. Ce que le Bloc québécois vous propose, c'est de demander de déposer un projet de loi selon lequel le port de Québec ainsi que les autres entreprises à caractère fédéral auront à se plier aux règles environnementales et aux lois environnementales du Québec qui sont plus sévères que les règles environnementales canadiennes. Concernant l'agrandissement du port, les lois actuelles forcent pour recevoir des subventions à cet agrandissement. Il est possible de les changer, ces lois-là, pour rendre ce qui existe déjà plus innovant, plus efficace et en respect avec l'hygiène industrielle qui est une des forces au Québec. Merci, Mme Vignola. Alors maintenant, ouvrir une période d'échange de 5 minutes entre les candidats et candidates. Je donne... 5 minutes. 5 minutes au total, évidemment. Je commence avec Simon-Pierre. Bon, là, écoutez, on commence à se connaître, nous, les candidats, à cette élection. On a dit la même affaire tout à l'heure à midi. Ça fait 2 fois que j'entends M. Bugeaud dire qu'on instrumentalise le port pour faire des points politiques. Là-dessus, je ne suis vraiment pas d'accord. Quand on a parlé de la problématique du port de Québec, à chaque fois, le problème, c'est que c'est de juridiction fédérale puis qu'on peut rien faire parce qu'il faut que le fédéral s'en mêle puis qu'il n'est jamais là puis qu'il ne répond pas. C'est notre tour. C'est maintenant qu'on doit prendre des engagements pour dire on va demander au port la mise sous couvert des activités de DRAC. Et c'est ça que l'NPD réclame. Est-ce que M. Bugeaud veut répondre? M. Clair voulait la parole. Allons-y avec M. Clair. Il faut comprendre le port, il y a 3 choses. Il y a 3 enjeux. Il y a le statut des ports au Canada, c'est une loi de 200 pages. Il y a les questions environnementales et les questions du développement du port qui fait partie de la grande économie, non seulement de Québec, de la province, mais du Canada dans son entier. Pour ce qui est de le statut des ports, c'est vrai que c'est un peu confus. Je comprends que les citoyens sont frustrés. Puis moi-même, j'ai déjà dit dans plusieurs tribunes que peut-être il faudrait revoir le statut des ports. Mais ça, c'est un autre enjeu, on n'est pas là aujourd'hui. Pour ce qui est de l'environnement, je me suis attardé à ces questions-là à tous les jours de mon mandat pour m'assurer de trouver des vraies réponses. Il faut arrêter d'être démagogique. Il faut arrêter de faire de la politique sur le port. Il faut vraiment déterminer si effectivement le port est celui qui émet les poussières encore aujourd'hui dans Limoilou. Il y a 3 émetteurs qui ont été mis dans la ville de Québec suite à Mon Environnement, Ma Santé, qui a fait un rapport en février qui a été mis en place par le maire Labonge. Je le salue d'ailleurs grâce à cette initiative-là. Et les conclusions sont doubles. La première conclusion, c'est que oui, le nickel est plus fort à Limoilou qu'ailleurs à Québec. C'est malheureux et c'est triste et c'est inacceptable. Sauf que le nickel baisse depuis 8 ans. Est-ce que c'est à cause des mesures du port? On ne le sait pas. Mais moi, je veux vérifier ça. C'est pourquoi j'ai mis en place un audit indépendant en collaboration avec le port. Si on coupe la communication, comme veut le faire Mme Vignola en imposant un BAP sur le port, ou si on coupe la communication... D'ailleurs, en passant, M. Bugeaud, il n'est pas juste candidat devant vous aujourd'hui. Il est représentant du gouvernement libéral. J'ai presque fini. Dans les quatre dernières années, j'ai fait une demande d'accès à l'information. Aucun courriel, aucune lettre, aucun fax, aucun téléphone a été fait entre le gouvernement libéral et le maire Labeaume ou le port de Québec. Merci, ou le député Jean Lesage. Zéro communication merci, en ce qui a trait à la poussière rouge et au port de Québec. On va maintenant donner la parole à d'autres candidats. M. Bugeaud. Écoutez, j'entends ce que vous dites. Vous faites encore la démonstration qu'on instrumentalise l'enjeu du port. Écoutez, il y a des gens ici, là, on va dire plein de choses, on va soumettre plein d'idées, on va proposer plein de projets, mais à la fin, il se passe... Écoutez, il y a 4 ans, on était tous assis ici. M. Côté, vous êtes quelque part dans la salle, on parlait de la même chose, on disait les mêmes affaires. Et pourtant, la population est encore inquiète parce qu'on instrumentalise ça pour se faire valoir comme individu, comme politicien. Moi, ce que je veux, ce que je propose, c'est de faire en sorte qu'on puisse trouver la vraie information, communiquer la vraie information, puis rassurer la population. Parce que le pôle de développement économique qui est là, ça n'ira pas. Puis les citoyens qui sont là, ils vont rester. Puis vous l'avez dit, il n'y a pas juste le port qui est un problème pour la qualité de l'air. Il y a toute la zone économique qui est là. Alors, il faut travailler ensemble, en collégialité, avec les divers intervenants, puis rassurez-vous tous qui êtes ici. Parce qu'on peut juste manger du porc, si vous voulez, on peut juste manger du fédéral, mais à la fin, on va encore avoir des citoyens qui vont être inquiets. Merci, M. Bugeaud. Je donne la parole à Dalila Elac. Moi, je demande à M. Bougeau, à M. Clark, pourquoi vous ne travaillez pas ensemble? Parce que c'est, franchement, là, c'est l'opportunité, un au pouvoir et un à l'opposition. Vous êtes capable de créer au moins des ententes ensemble. Moi, en tant qu'ancienne candidate et en tant que citoyenne engagée, j'ai essayé de créer une alliance avec M. Côté, Raymond Côté, puis je lui ai proposé à plusieurs reprises qu'on travaille ensemble, mais sa réponse était négative, malheureusement. Mais là, avec M. Clark et sa proposition du Conseil des élus, ni le municipal, ni le provincial, et ni les fédérales veulent privilégier la santé des citoyens sur l'intérêt économique, malheureusement. C'est ça qu'ils le disent. Alors, on s'en va où avec ça, là? Nous, on est pris au piège. Merci, Mme Hélac. Je vais donner la parole à Mme Vignola, qui n'a pas encore eu le droit de parole. Merci. Ce que j'entends et ce que je trouve déplorable, c'est qu'en aucun cas, il n'est question de cesser la communication avec le port. C'est le deuxième plus important employeur à Québec après les gouvernements. Et ce n'est pas en demandant au port d'être un citoyen corporatif responsable et transparent que ça devient automatiquement couper la communication. Au contraire. Et comme M. Bugeaud le dit, c'est en communiquant, en parlant, en discutant, en négociant qu'on arrive à un consensus qui va vous plaire et qui va faire l'affaire aussi au port parce qu'il va améliorer sa réputation corporative. Merci. Mme Vignola, peut-être rapidement, M. Baudet. Oui, c'est parce que j'entends qu'on n'a pas d'informations réelles. J'en ai amené de l'information réelle. On a sorti les données de l'Inventaire national des rejets polluants pour la compagnie Arrimage Québec là, entre 2013 et 2017, maintenant que c'est enregistré. Il n'y a pas de changement dans le tonnage de vrac. Là. Et les émanations de microparticules de 2,5 microns sont stables et celles de 10 microns sont en hausse de 97%. Je passe l'information à mes collègues, comme ça, on pourra parler. Voilà. On attend les 5 minutes. Je suis content de savoir que vous êtes au courant. Ben, bien sûr. Des échanges. Je l'ai chez nous, monsieur. Non, mais juste pour les autres. Ah, OK, pour les autres. Ben, bien sûr, voilà. Bon, ben. Alors, après cet échange de documents, on va poursuivre avec la question numéro 2. On va parler de transport maintenant. 25 000 personnes ont marché à Québec le 27 septembre dernier lors d'une marche pour le climat. La crise climatique est un problème qui, de toute évidence, préoccupe la population. Alors, hors des pipelines et autres enjeux nationaux, la réalité climatique frappe Beauport-Limoilou, tout particulièrement par le biais des projets de transport, que ce soit les projets autoroutiers, transports en commun. Alors, quelle est votre vision pour améliorer la mobilité tout en faisant face aux enjeux climatiques? Alors, la première réponse du minute avec Antoine Bugeaud du Parti libéral. Bien, merci, merci. Écoutez, vous faites bien de mentionner la marche parce que, oui, effectivement, il y a deux semaines, on a fait tous la démonstration qu'individuellement, on avait tous à cœur la question des changements climatiques et qu'on voulait voir les grandes organisations de ce monde, gouvernement, entreprises privées, organisations parapubliques, embarquer dans la locomotive des préoccupations sur l'environnement plutôt que de rester dans le wagon puis de se faire tirer par la population. Nous, au Parti libéral du Canada, on l'a démontré dans les quatre dernières années, on a mis un plan de avant pour le transport en commun avec énormément de milliards d'argent. Il y en a 1,2 qui est venu ici au Québec. On s'est entendu avec le gouvernement du Québec et avec la Ville de Québec pour le premier gros projet structurant de transport en commun. On a annoncé aujourd'hui, pour ceux qui l'ont suivi, Stephen Guilbeault était à Montréal, il a annoncé un financement récurrent, année après année, de 3 milliards de dollars pour soutenir les municipalités dans le transport en commun. Donc, s'il y en a une formation politique qui croit au transport en commun et au transport collectif, c'est le Parti libéral du Canada. Merci, M. Bugeaud. La réponse maintenant de Ali Patlock, du Parti conservateur. Comme tout bon gouvernement canadien, le gouvernement conservateur précédent est lui qui sera là dans deux semaines et 100% pour le transport en commun et la mobilité en général. Nous avons investi à Toronto, sous le gouvernement précédent. Nous allons honorer l'enveloppe pour le tramway de 1,2 milliard. Mais rappelez-vous qu'il manquait 800 millions. Ce n'est pas le gouvernement libéral qui a réglé ça. Ce n'est pas M. Duclos, ni M. Lightband, ni M. Bugeaud. C'est plutôt la mairesse Valérie Plante. C'est assez honteux quand même, le gouvernement libéral. Mais je peux vous garantir qu'on va non seulement honorer l'enveloppe du projet du tramway parce que c'est important, mais également, nous, on est le seul parti ici qui va être un partenaire financier auprès de la CAQ pour le troisième lien. Les deux projets mis ensemble vont aider la mobilité des biens, la mobilité des personnes, la mobilité des services. Québec ne va pas rester un petit patelin pour toujours. Bien sûr, un jour, on va être une grande ville. D'ailleurs, beaucoup de populations arrivent ici. Bien, c'est-à-dire que quand même, plus d'un million de personnes ont pu l'envisager. Donc, il faut se préparer pour le futur. Il faut se préparer pour le développement économique. Et le troisième lien avec le tramway sont deux projets porteurs. Et d'ailleurs, nous, on est très déçus que le projet de tramway n'ait pas d'interconnexion avec la Rive-Sud. C'est une très grave erreur. Merci, M. Clark. La réponse maintenant de Simon-Pierre Baudet du NPD. Merci d'avoir mentionné la marche en ouverture. Qui parmi nous a pris l'autobus pour y aller? J'étais dans le même autobus que Mme Elac, qui a été stallée pendant une heure. C'est beau, les transports. On est pour les transports gratuits, c'est dans notre plateforme, là, mais il va falloir en mettre un peu plus sur les routes. Et je suis fier de l'appuyer. J'ai amené mes accessoires, là, comme vous voyez. J'ai ma passe. OK? Mais je dois dire que le syntagme « petit patelin » vient de me saisir complètement. Là. Et si vous suivez ma campagne, vous savez que j'ai pris une position qui était forte contre le troisième lien. Avant la campagne électorale, le gouvernement provincial a dit que ça va nous prendre du financement du fédéral. Puis on nous a demandé notre avis. On aurait pu juste dire « non, on n'en prendra pas ». Mais j'ai pris sur moi de faire une pédagogie, d'expliquer que ce projet-là est à la fois inutile, qu'il est nuisible, qu'il est trop compliqué, qu'il est trop cher, que c'est une absurdité dans un contexte de crise climatique. Et je suis content d'être là pour appuyer ceux qui se battent contre ce projet absurde. Merci, M. Baudet. Alors, la réponse est maintenant à Julie Vignola du Bloc québécois. En ce qui concerne les infrastructures, le transport en commun, etc., la décision doit revenir à Québec. Le programme d'infrastructure du fédéral ne doit être attaché à aucune condition, ce qui n'est pas forcément le cas actuellement. Donc, nous, ce que l'on dit, c'est oui, le programme d'infrastructure doit descendre à Québec, mais les décisions doivent être prises à Québec, par les Québécois, et ça doit les représenter, eux, et non pas représenter Ottawa ou les visées de Ottawa. Oui, du transport structurant, on en a besoin. On a des zones qui ne sont pas couvertes ou qui sont mal couvertes. On a des zones, tu sais, que les personnes âgées ont à marcher une demi-heure avec leur marchette pour se rendre à une station d'autobus, ça n'a pas de sens. Le troisième lien, ce n'est pas une compétence fédérale, c'est une compétence qui relève du Québec et il serait irresponsable de mettre un pied à terre et de dire oui, pour ma part, sans avoir les études géologiques et les études d'impact environnementaux et des solutions pour ces impacts-là. Merci, Mme Vignola. Et on termine ces premières réponses avec Dalila Ilac du Parti vert. Pour le transport en commun, c'est sûr que c'est une nécessité. On a le Parti vert, on veut vraiment d'ici 2030 rendre tout ce qui est transport en commun et transport individuel électrique. Puis on veut investir ce qui a été censé destiné pour un pipeline pour le transport en commun, et c'est faisable. Vous savez que le Canada a été bâti sur les rails. On a l'infrastructure, on a besoin d'utiliser juste ça. Puis on est capable de changer la mentalité, de rendre le transport en commun accessible. Puis ça, c'est dans notre plateforme. Ça fait partie de d'aider les citoyens, de le rendre plus sensible aux enjeux environnementaux. Et ça fait partie du revenu minimum garanti, de l'accès aux soins de santé, de toute notre plateforme qui fait en sorte que nous, en tant que citoyens, on s'en va et on aide les gens à aller vers l'énergie verte, vers l'électrification du transport ici. Et c'est vraiment faisable. Merci, Mme Elac. Alors, on va maintenant ouvrir la période de discussion, d'échange de 5 minutes. Je tiens à rappeler de ne pas faire de réponse trop longue pour s'assurer que tout le monde puisse répondre et participer à la discussion. Alors, qui veut se lancer en premier? On va commencer avec M. Clark. Oui, j'aimerais dire, écoutez, lorsqu'on regarde la part des villes d'Amérique du Nord, même Winnipeg, là, qui est plus petit que Québec quand même, puis quand je disais patelin, là, quand même, c'est pas pour aider des gens, là. On n'est pas non plus une grande ville, il faut s'entendre. Winnipeg a un cercle autoroutier autour de la ville. Davenport aux États-Unis, qui est beaucoup plus petit que Québec, a un cercle autoroutier autour de la ville. Toutes les grandes villes et taille moyenne ou de très grande taille qui se respectent en Amérique du Nord se doit d'avoir un axe autoroutier autour de sa ville pour la mobilité des biens. Elles ont toutes contribué à un gros système de transport en commun structurant aussi. On parle même aussi de toute la mobilité, de toute la mobilité industrielle qui vient de la Côte-Nord, qui se dirige vers le Nouveau-Brunswick et qui pollue la ville de Québec en passant constamment sur la capitale. Mais le réseau du tramway, c'est très important. Mais encore une fois, comment est-ce possible que les libéraux ont décidé d'appuyer ce projet-là sans vraiment vérifier quels allaient être les impacts sur la Première Avenue. Moi, chaque fois que je me promène pour voir les commerçants de la Première Avenue, tout le monde se demande qu'est-ce qui va arriver exactement à cet égard. Il y a beaucoup de questionnements, mais la mobilité, c'est double. C'est à la fois le transport en commun, mais également les routes. Même qu'on sait, un jour, la plupart des voitures, s'ils sont autoguidées, vont devoir se mouvoir Merci, sur des routes. Donc, il faut Monsieur construire Clark, des je vais donner la parole à d'autres candidats. Candidate, Mme Vignola. Ajouter un troisième lien. Ça vient enchâsser Beauport et Limoilou entre quatre autoroutes. On en a déjà trois. On vient fermer la boucle. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que lorsqu'on parle de qualité de l'air, ça fait du sens d'ajouter une quatrième autoroute sans se questionner, sans aller voir plus loin que notre nez, simplement parce que les besoins actuels sont là? Oui, ils sont là, on veut désengorger, je comprends. Oui, ils sont là, on veut développer Lévis, je comprends. Mais en termes de qualité de l'air, la voiture est le pollueur numéro un. Mm-hmm. On veut en rajouter? C'est ce que vous voulez? Tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas d'études complètes sur la question et des solutions concrètes sur la question, le fédéral n'a pas à s'en mêler. Merci, Mme Vignola. Je donne la parole à M. Baudet. Écoutez, juste deux choses là-dessus. Là, l'idée de ceinturer la ville de Québec d'une autoroute est quelque chose qui me glace le sang. Et d'autre part, juste sur la question des compétences, je suis relativement d'accord, en fait. Là, simplement que moi, avant puis après l'élection, je vais toujours demeurer un résident de Beauport et de Limoilou. J'étais à la jonction des deux, là, puis je la respire encore l'air. Okay? Puis c'est mon devoir de parler là-dessus puis de dire aux citoyens qui se mobilisent sur ces enjeux-là, moi, je vais être là pour vous puis je vais mener les luttes avec vous. Juste une dernière affaire. Je fais juste remarquer que on parle à la fois d'économie puis de qualité de l'air et que dans Beauport-Limoilou, il y a beaucoup de projets qui sont économiques, puis nous, dans Limoilou et dans Beauport, on nous fait payer les externalités. Le cash, il reste pas ici. On va parler d'économie plus tard, mais l'air pollué, on a parmi les pires de la province. Là, il y a juste quelques sombres quartiers de Montréal là, qui nous accotent là-dessus. Et donc, on paye de notre air, puis on paye notre qualité de vie, les projets économiques qui profitent ailleurs. Merci. Merci, M. Baudin. Moi, j'aimerais ajouter rapidement... M. Bijoux. En matière d'infrastructure, là, c'est au gouvernement du Québec de déterminer ses priorités. En ce qui a trait au tramway, il y a un projet qui a été déposé, il y a un montant total connu qui a été demandé au gouvernement fédéral et nous, on a embarqué dans l'aventure et on a contribué. En ce qui a trait au troisième lien, il n'y a pas de montant qui a été déposé, il n'y a pas de projet qui a été déposé. Et puis là, on a un candidat conservateur ici qui signe un chèque en blanc pour faire valoir sa position politique, se faire un peu de notoriété sur le dos des gens ici en disant qu'il allait appuyer un troisième lien sans toutefois savoir combien ça coûte. Nous autres, au Parti libéral, on pense que le transport en commun, c'est l'avenir de la mobilité. Toutes les grandes villes du Canada se sont munies d'un transport structurant. Même si M. Clark pense qu'on n'est pas une grande ville, moi, je pense qu'on est une grande ville qui mérite un transport structurant. Et c'est ce qu'on a fait. On est embarqué dans cette aventure-là. Puis moi, je suis très, très fier qu'on aille de l'avant à Québec avec ce projet-là qui nous appartient à nous tous, citoyens de la région de Québec. Merci, M. Bijoux. La parole maintenant à Mme Hélac. Moi aussi, je vais me positionner sur le troisième lien. C'est sûr que c'est un projet qui c'est une promesse électorale. En fait, on en a assez en tant que citoyen que c'est juste des promesses électorales qu'on veut imposer aux citoyens, peu importe les prix environnementaux et sur notre santé qu'on va payer. C'est sûr que c'est... Pour le Parti vert, c'est une priorité pour chaque ville qui a 7000 habitants et plus d'avoir un réseau structurant de transport. Alors ça c'est nécessaire. Dans toutes les grandes villes, normalement, il y en a. Nous, on a besoin d'un TGV qui fait le lien entre les grandes villes de tout le Canada. C'est faisable. Et même, ça fait les liens avec les États-Unis. Malheureusement, jusqu'à date, on investit juste dans les énergies fossiles, que soit... Merci, Mme Hélac. Je vais juste donner les dernières secondes à M. Clark. Moi, sincèrement, je pense qu'être responsable dans le 21e siècle, c'est non seulement investir dans les infrastructures, comme le fait la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie, les États-Unis, même le Nigeria, il faut investir dans les infrastructures, et ça, c'est les infrastructures vertes, et également les infrastructures routières. Merci. Le troisième lien ne sera pas à Limoilou, Mme Viola, je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Il va goûter sur la 40. Clairement, vos candidats sont cons, Mme Viola et M. Bijoux, vous avez fait du porte-à-porte en disant Merci, que vous étiez plus ou moins d'accord. Donc, il faudrait vous positionner un jour ou l'autre. Voilà, on a mis fin à cette période d'échange de 5 minutes, qui finit toujours quand même abrupte. C'est bien, ça démontre qu'il y a une discussion. Merci beaucoup. On va maintenant, on va poursuivre, mais je tiens à rappeler que, bon, pour ceux qui écoutent en différé, ce débat est enregistré et diffusé sur les ondes de CKRL mercredi le 16 octobre. On est en direct en ce mercredi 9 octobre au Centre communautaire Jean-Guy Drelais. C'est un débat qui est présenté par Montlimoilou, CKRL et Le Carrefour de Québec. Vous pouvez suivre ce débat avec le mot-clic Beauport-Limoilou 19 ou suivre le compte de Montlimoilou. On va passer au deuxième thème de ce débat de ce soir, c'est-à-dire la société. Donc, troisième question du débat dans Beauport-Limoilou, l'accès au logement et à la propriété. Alors, prolifération de condos, manque d'espace pour les familles dans le Vieux-Limoilou, besoin de logements sociaux, étalement urbain, densification, gentrification aussi, accès à la propriété. Autour de cet ensemble de problématiques et réalités, dans le contexte où Beauport-Limoilou est la circonscription où le revenu médian est le plus bas dans la région, alors comment pourriez-vous garantir ou faciliter l'accès à l'habitation dans la circonscription? On commence avec une première réponse d'une minute de Alu Paclock du Parti conservateur. Merci, monsieur. Oui, l'accès au logement est très important et certainement, je pense qu'on remarque qu'il manque des logements sociaux un peu partout au Canada. Cela étant dit, il ne faut pas se leurrer, c'est une compétence provinciale. Mais le gouvernement conservateur va être présent pour investir lorsque le gouvernement provincial le demandera. Cela étant dit, on va faire deux choses, nous. La vie est de moins en moins abordable. On le constate, les libéraux nous disent que tout va bien, mais moi, quand je parle aux citoyens, ils disent qu'ils ont de la misère à joindre les deux bouts à la fin du mois. L'épicerie, l'essence, le logement, justement, tout coûte plus cher. Nous, ce qu'on veut faire, c'est équilibrer le budget, être responsable, le faire sur 5 ans pour ne faire aucune coupure dans aucun programme social qui sont importants pour les Québécois et les Québécoises. Mais plus qu'on va couper et plus qu'on va avoir de revenus supplémentaires, nous allons redonner à la population. C'est ça qu'un gouvernement devrait faire et c'est ça que les conservateurs, nous, allons faire. Et également, nous allons annuler le stress test au niveau de l'hypothèque. Les libéraux, pour régler un problème à Toronto et à Vancouver, ont ajouté un stress test au niveau des familles et des jeunes qui veulent s'acquérir une maison. Ils l'ont appliqué de bord en bord, sans aucune nuance, à travers tout le pays, dont des gens ici ont de la misère à avoir accès à la propriété pour une situation qui a été mise en place pour Toronto et Vancouver. C'est inacceptable pour les gens de Québec. Merci, M. Clark. La réponse maintenant de Julie Vignola du Bloc québécois. En fait, Beauport-Limoilou est non seulement à Québec la circonscription qui a le plus bas revenu médian, mais c'est la circonscription qui est 329e sur 338 au niveau du revenu médian le plus bas. Donc, on est dans le top 10 à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on a énormément de personnes seules. On a des personnes âgées qui vivent largement sous le niveau de pauvreté, sous le seuil de pauvreté. Ce qu'on demande, c'est de réinvestir dans le programme des logements sociaux, donc un programme qui transférait l'argent au provincial, et on demande à ce que ce réinvestissement-là revienne au niveau de 1994-1995, c'est-à-dire l'année où le gouvernement fédéral a commencé à se désengager à ce niveau-là. Donc, on veut un retour graduel jusqu'à 3 milliards de dollars, dont une partie revient au Québec, et c'est au Québec de décider où cet argent-là ira. Merci, Mme Vignola. Avant de donner la parole, je veux juste mentionner à mes collègues organisateurs, on prendrait un refil d'eau ici sur les tables. La parole maintenant à M. Baudet du NPD. Super, merci. Écoutez, en tant que résident de très longue date du quartier Limoilou, je l'ai vu changer, je l'ai vu se transformer. Puis les phénomènes qui ont été énoncés dans la mise en contexte, notamment la prolifération des condos, la vente à la découpe des triplex en condos, l'arrivée d'Airbnb, a fait en sorte qu'effectivement, il y a une raréfaction des logements, tout en faisant en sorte que le Vieux-Limoilou, curieusement, a été de plus en plus recherché, ce qui fait en sorte qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui cherchent des logements. Dans le Grand Limoilou, là, le Vieux-Limoilou, les Rémezerais, on est entre 75 et 80 % locataires. Okay? Et donc, parler d'accès au logement puis à la propriété, c'est d'abord parler pour Limoilou d'accès au logement. Le NPD s'est engagé à financer 500 000 logements sociaux dans les 10 prochaines années, dont la première moitié serait livrable dans les 5 premières années. D'autre part, je viens d'entendre encore une fois la question sur le revenu médian, puis je vois le compteur de filer, je n'aurai pas le temps d'en parler, mais on va en parler plus tard. Merci, M. Baudet. La réponse maintenant de M. Antoine Bugeaud du Parti libéral. On a la chance dans la région de Québec d'avoir un député libéral à Québec, ministre de la Famille, Jean-Yves Duclos, qui a fait de sa mission comme député libéral dans les 4 dernières années de soutenir les familles dans le besoin. D'abord, avec l'allocation canadienne aux enfants, on en a parlé beaucoup, je pense. On va continuer d'en parler, je vais le répéter, vous allez m'entendre le dire aujourd'hui, mais aussi avec la toute première stratégie nationale sur le logement. 40 milliards au départ qu'on avait injecté, qu'on a bonifié à 55 milliards, 15 milliards de plus, 55 milliards pour soutenir le développement et la construction de logements abordables pour les familles qui en ont plus besoin. Des exemples, l'Aubrivière, on s'est entendu avec le gouvernement du Québec et à la Ville de Québec pour doubler le nombre de nuitées à l'Aubrivière. C'est un projet qui va aller de l'avant. On a à peu près 13 milliards qui ont été engagés dans cette stratégie-là. Il reste de l'argent. On va continuer avec un gouvernement libéral. Notre priorité, c'est de soutenir ceux et celles qui en ont le plus besoin. Merci, M. Bugeaud. Et dernière réponse de Dalila Elak du Parti vert. Le Parti vert s'engage à aider les provinces et les villes à construire 1500 logements sociaux par année tout de suite. Dès qu'on est, que soit on forme le gouvernement ou on est dans la balance du pouvoir, on est capable d'influencer pareil. On veut aussi mettre en place un ministère qui est dédié aux logements sociaux parce que c'est une priorité dans Limoilou, plus qu'à Limoilou qu'à Beauport, vu la pauvreté qui est vraiment omniprésente parmi la population de Limoilou. Un autre facteur que je veux mettre en place aussi, qui va en parallèle avec les logements sociaux, c'est une politique nationale d'autonomie alimentaire, parce que ce qu'on veut maintenant, là, c'est vraiment orienter la construction des logements en général et les logements sociaux pour que ça soit loin des terres agricoles. Ce qui arrive maintenant, là, c'est que... Merci, Mme Elak. Merci beaucoup. La minute est écoulée, malheureusement. Okay. Merci. On va maintenant ouvrir la période d'échange de 5 minutes. Je rappelle, peut-être essayer de faire des réponses de 30-40 secondes, comme ça, peut-être à la fin, on va moins se précipiter pour participer ou avoir un tour de parole. Alors, voilà, qui veut se lancer en premier? Commençons avec M. Clark. Parfait, merci. Écoutez, c'est très beau de dire 40 milliards, mais le gouvernement libéral, avec M. Bugeaud ici représentant, ils ont promis 40 milliards de dollars, mais avec des conditions de manière très paternaliste qu'ils imposent sur les provinces. Ils demandent que les provinces arrivent à accoter le financement du 40 milliards de dollars pour chaque province qui sera injectée pour le logement social. C'est la même chose qu'ils ont fait pour les transferts en santé, pour avoir l'argent qui revient au Québec, qui revient aux Québécois dans leur champ de compétences qu'est la santé. Les taxes que vous payez qui sont envoyées à Ottawa, les libéraux, au lieu de les renvoyer comme ils devraient se faire, 3 % par année en transfert en santé, ils disent, on va vous l'envoyer si, mais si vous acceptez d'injecter plus d'argent dans l'aide à la maison, etc., etc. Bien que leur volonté de l'aide à la maison peut être louable, ils n'ont pas à imposer au Québec une façon de faire. C'est ce qu'ils font à chaque fois qu'ils vous annoncent des paiements. Ils ont annoncé 187 milliards d'infrastructures, seulement 20 milliards est sorti en 4 ans. C'est une gouvernance Merci, mal gérée. Et leurs promesses sont toujours des promesses. Merci. Je vais donner la parole maintenant à Dalila Elak. Ben, écoutez, je vous ai donné l'exemple de l'Aubrivière. Là, ce n'est un exemple dans lequel on a réussi à collaborer dans le avec le gouvernement milliards, du Québec. Écoutez, là, à un moment donné, là, quand on débloque des enveloppes et qu'on décide d'avancer, on travaille en partenariat avec les provinces. Évidemment, on a des orientations au gouvernement du Canada. On souhaite s'entendre avec les provinces, avec les municipalités pour faire en sorte que les orientations puissent aller de l'avant. On est toujours ouvert à collaborer avec les provinces. Si vous voulez faire de la chicane, faites-en tant que vous voulez. La vérité, c'est que le bilan des conservateurs en matière de logement social, c'est coupe, coupe, coupe. On s'est désengagé du soutien aux familles les moins nanties. On s'est désengagé du logement social. Nous, on a récupéré ça. On a continuer, puis on choisit d'avancer en injectant de l'argent puis en soutenant les familles les moins bien nanties. Merci, M. Bugeaud. La parole à Dalila Elak. Moi, je veux juste vous mettre au courant que ce soit conservateur ou libéraux, ils ont toujours investi juste dans les énergies fossiles. Malheureusement, tout ce qui est social, tout ce qui est assurance, médicaments, tout ce qui est accès même à l'éducation postsecondaire, ça n'existe pas. Si on parle de bilan libéral, il parle de la bonification d'allocation familiale pour enfants ou la bonification de la pension vieillesse. La totalité, c'est même pas 12 millions comparativement aux 43 milliards qu'ils ont injectés en 2018 comme subvention pour les énergies fossiles. Merci, Mme Elac. La parole à M. Baudet. J'ai entendu deux choses dans le premier tour de parole qui ont piqué mon intérêt. Là, pour commencer, on a évoqué le revenu médian très faible de la circonscription. Puis d'autre part, il était que cette question d'équilibrer les comptes. Pour ce qui est du revenu médian de la circonscription, je vais juste insister là-dessus. Tous les projets économiques qu'on nous vante et puis qui vont être bons pour l'économie, là, nous, on nous fait payer les externalités. Okay? L'argent ne reste pas dans la circonscription, ça me semble évident là-dessus. D'autre part, les besoins sont immenses. Et comment est-ce qu'on va faire pour baisser le fardeau des familles? Bien, le NPD a toujours mis de l'avant des programmes sociaux très ambitieux pour justement que les principaux postes budgétaires, et le loyer en est un, okay, soient atténués. Parce que les fameuses baisses d'impôts qu'on promet à la classe moyenne à toutes les élections, là, il faut lui en promettre de nouvelles à toutes les élections parce que ça ne paraît pas dans nos poches. Ce que ça fait, les baisses d'impôts, c'est que ça profite essentiellement aux plus riches. On a une économie qui est brisée. C'est le NPD va réparer ça. Merci, M. Baudet. Allons-y avec Mme Vignola. Alors, rapidement, je trouve dommage d'entendre les conservateurs et les libéraux se lancer la balle comme ça, puisque je vous rappelle que le désengagement fédéral en termes de logements sociaux date de 1994-1995. Donc, ça fait près de 20 ans. J'ai manifesté contre ça en 1996. Ottawa. Et voilà. La réforme. Donc, aux dernières nouvelles, ils se sont lancés la balle durant toutes ces années-là. Ils ne se sont accordés, en fond, pour une chose, c'est de diminuer leur investissement. Moi, j'aimerais ajouter à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent à la radio en ce moment, voyez-vous, Mme Vignola du Bloc québécois ne défend pas le Québec, ne défend pas les champs de compétences. On a bien beau vouloir donner des milliards le fédéral, il faut respecter les champs de compétences. Le gouvernement Couillard, à l'époque, était très fâché. On n'a jamais vu ça. Une ministre de la Santé du Québec qui a envoyé une lettre à Petit Pas de Taylor, votre collègue, M. Bugeaud, qui était ministre de la Santé à Ottawa. Elle a reçu la lettre, elle a dit « Je n'ai que faire des doléances du Québec ». Et vous, Mme Vignola, tout ce que vous dites, c'est le programme, depuis 1994, ils n'ont pas investi. Vous devriez défendre les Québécois, c'est votre rôle. De toute évidence, vous n'êtes pas capable. Nous, les conservateurs, on va défendre les Québécois avec un rapport d'impôt unique, plus de pouvoir en immigration, et on va faire en sorte que jamais le gouvernement fédéral conteste la loi 21. Monsieur Clark, je vais donner quelques secondes à Mme Vignola. Écoutez, M. Clark, j'ai vraiment l'impression d'avoir le journaliste la semaine passée devant moi qui interprète chacun des mots que je dis. Parce que lorsque je parle du programme, je parle des transferts qui doivent être mis sans condition au Québec par le Canada et en aucun cas avec des conditions. Merci, donc, Mme Vignola. C'est au Québec Vignola de décider, point. Merci. Bien, voilà qui met fin encore à ce temps d'échange de 5 minutes. On va passer à la quatrième question de ce débat de ce soir, immigration et intégration. Alors, l'immigration est au cœur de nombreux débats sociaux des dernières années, cela tant au point provincial que national et international. Alors, dans le contexte où Beauport-Limoilou est une circonscription à caractère multiculturel, comment vous positionnez-vous sur les enjeux rattachés à l'immigration et à l'intégration des populations immigrantes? Alors, première réponse d'une minute de Julie Vignola du Bloc québécois. Le Bloc québécois demande une suspension de l'entente des tiers États afin de favoriser l'intégration et le traitement des demandes. On a eu énormément d'immigrants qui sont passés notamment par le chemin Roxham et les traitements sont passés de quelques mois, 18 mois à 24 mois. On demande est-ce qu'il y ait plus de commissaires pour ces programmes-là. On demande aussi, et ça a été hué en chambre, on demande à ce que le français soit la langue commune pour les immigrants qui font une demande de citoyenneté à partir du Québec. Parce que pour s'intégrer, il faut être en mesure de communiquer avec les autres. On ne parle pas ici de faire avaler notre culture. On parle de parler, de communiquer pour s'intégrer, pour s'entendre, pour se comprendre. Merci, Mme Vignola. Alors, deuxième réponse, Simon-Pierre Baudet du NPD. Merci. J'habite maintenant dans le quartier Mézeray, dans le coin du parc Bardi, où près de 20% de la population est née à l'extérieur du Québec. On se côtoie, ce sont les parents des amis de mes enfants, puis on se voit régulièrement. Et je vais juste me répéter là-dessus, j'ai été consterné dans les dernières années, voire même la dernière décennie, par l'état du discours public qui a ciblé les immigrants autour de toutes sortes de controverses qui ont été souvent fabriquées par les médias puis par des politiciens qui pensaient se carrer des points, à tel point que plusieurs d'entre eux sont victimes maintenant d'une oppression qui est quasi quotidienne. Puis vraiment, on leur a pas rendu service. Moi, ce que je prône là-dedans, c'est d'adoucir la discussion publique. Je pense qu'on a un devoir d'ouverture, de tolérance, de diversité. Puis je suis très fier d'être dans un parti qui, pour la première fois au Canada, est dirigé par un chef issu des minorités. Merci. Merci, M. Baudet. La réponse maintenant de Dalila Elak du Parti vert. Le Parti vert veut tout simplement aider les provinces à avoir leurs besoins en main-d'œuvre. Nous, on est pour le fait de donner plus au gouvernement du Québec la possibilité d'avoir la main-d'œuvre qu'ils en ont besoin, mais c'est sûr à condition qu'ils facilitent l'accès à l'emploi, parce que la problématique au Québec, c'est que les immigrants arrivent, OK, mais ils n'ont pas l'intégration adéquate pour avoir un emploi adéquat. Et puis, au niveau des employés étrangers, des travailleurs étrangers, c'est sûr que les Québec, nous, on est pour le fait d'avoir donner plus de compétences au gouvernement québécois pour gérer ça, parce qu'au niveau fédéral, il y a beaucoup de Moi, je l'ai vécu en tant que propriétaire d'un commerce. Je demandais d'ailleurs l'aide à M. Lupa Clark, puis je ne l'ai pas eu à temps, alors j'ai réglé mon problème moi-même. Puis c'est plus facile que de donner au gouvernement du Québec que ce soit une déclaration unique de revenus, que ce soit au niveau de l'immigration. Ils sont capables de gérer mieux que les fédérales l'immigration. Merci, Mme Elak. La réponse maintenant de Alupa Clark du Parti conservateur. Oui, merci, monsieur. L'intégration, c'est très important. Je pense qu'il faudrait miser sur l'investissement dans la francisation d'abord et avant tout. Puis je voudrais remercier tous les bénévoles au Centre Mgr Marco qui œuvrent à chaque semaine pour la francisation. Au niveau de l'immigration, oui, Beauport-Limoilou, c'est nous qui avons le plus d'immigrants dans la grande région de Québec. Il y a 5 000 immigrants ici à Beauport-Limoilou. Et moi, j'y rencontre à tous les jours. J'ai gagné 50 000 portes. J'y connais, j'y rencontre souvent. Puis eux sont tristes de la situation actuelle. Ils sont dépassés et ils vivent des situations tragique. Combien d'entre eux sont dans mon bureau et pleuraient parce que depuis 2 ans, suite aux entrées au passage de la Roxham, 40 000 personnes sont rentrées parce que M. Trudeau leur a vendu un rêve, un faux rêve, de dire « Venez au Canada, c'est ouvert. » Oui, on est un pays ouvert de diversité, mais ces 40 000 personnes-là qui sont passées à travers un passage illégal, il y a une pancarte qui est écrite là, que c'est illégal de passer par là sans passer par les postes frontaliers officiels, vont être retournés chez eux la plupart dans 2 ans. Il faut un système ordonné, paisible et juste. Nous allons injecter 250 douaniers de plus pour faire en sorte que les retards de 24 mois reviennent à la normale à 12 mois. Et il faut s'assurer de faire en sorte que les immigrants légaux qui ont payé des milliers de dollars pour venir ici et prospérer avec leur famille, qu'on leur réponde de manière expéditive. Merci. Et la dernière réponse d'Antoine Bugeaud du Parti libéral. Écoutez, en matière d'immigration, je partage un peu l'opinion. En fait, je partage beaucoup l'opinion de M. Baudet ici. Là, c'est le temps qu'on change de ton. Là. Et puis, je pense que Beauport-Limoilou pourrait servir d'exemple pour le reste du Canada en matière de réussite en immigration. Je regarde Jean-Marc, Jean-Paul, Massoudi, dans le fond, mon ami Armand ici, là, qui arrive de la France. Ça, c'est tous des gens qui travaillent avec nous autres à essayer de faire valoir les valeurs libérales dans cette présente campagne électorale-là. C'est tous des gens qui partagent les mêmes préoccupations que moi, qui vivent les mêmes enjeux, qui veulent le meilleur pour leur famille, qui trouvent qu'il a mouillé pas mal la semaine passée puis qu'il y avait hâte qu'ils se mettent à faire soleiller un peu. Vous savez, il est temps qu'on change de ton en immigration. Nous autres, au Parti libéral du Canada, est-ce qu'il vraiment faut que je vous fasse la démonstration qu'on est ouvert à laisser des immigrants venir s'installer ici, venir chercher une meilleure vie, venir contribuer à notre économie? Je pense pas que j'ai besoin de le faire encore davantage. On est la formation politique qui prône l'ouverture, qui prône la tolérance. Et messieurs, je vous regarde, Armand, merci d'être venu. Franchement, vous me faites vraiment plaisir de venir assister aujourd'hui. Merci, M. Bugeaud. Alors, on va commencer cet échange de 5 minutes. Je demande encore une fois d'essayer de ne pas faire des réponses de plus de 30-40 secondes pour permettre de multiples échanges. Et Dalila Elak a déjà demandé la parole. Vous voyez très bien que je suis immigrante. Ça a pris quand même assez de temps là, pour que j'arrive ici, puis je m'intègre. Puis il y a vraiment beaucoup de difficultés à s'intégrer au niveau de l'emploi, je parle, malgré que j'ai une maîtrise de l'UQAM. Là, ce qui est problématique pour moi, c'est les chemins Roxham, comme il dit M. Clark, parce que ça, c'est l'image que M. Trudeau a donnée aux gens qui viennent des États-Unis, qui passent par les États-Unis vers le Québec. C'est une image complètement négative au point qu'une madame a dit « Mais le Canada, c'est un pays socialiste. » Alors, pour elle, là, c'est comme elle s'en va où elle veut, là, elle a le droit, puis elle va avoir ses papiers facilement. Pourtant, la facilité qui est accordée aux gens qui viennent, par exemple, de la France, elle n'est pas la même facilité des gens qui ont des pays qui ont été colonisés par la France. Je parle de l'Afrique. Merci, Mme Mélac. La parole maintenant à M. Baudet. Excusez-moi, je suis conscient d'être général dans mes propos quand je parle de ça. Ça fait déjà 2-3 fois que je l'évoque. Mais quand on parle d'intégration, on parle beaucoup de politique, d'argent, de chicanes administratives, des choses comme ça. Mais on a quelque chose à faire, nous, en tant que société, là-dessus. Et il y a été vraiment beaucoup question des politiques de diversité et de parité avant le déclenchement de l'élection, parce qu'on avait moins de candidats que les autres partis. Et à chaque fois, on disait on travaille fort pour avoir des candidatures qui sont représentatives de la population canadienne en général. Puis on a été parmi les derniers à annoncer une équipe complète, mais notre équipe est parfaitement représentative de la diversité canadienne, puis ça, c'est une politique qui est concrète qu'on a mis de l'avant. Merci, M. Baudet. La parole à M. Clark. Oui, j'aimerais dire que Mme Mélac a raison. Écoutez, pour avoir une immigration saine, il faut absolument que ça soit paisible, ordonné et juste. Moi, je vous dis, les immigrants que je rencontre sont les premières victimes de ce qui se passe en ce moment au chemin Roxham. Il faut amender l'entente sur les tiers pays sûrs. C'est pas une amende qui va tout changer. Tout ce qu'on dit, c'est que l'entente qui fait en sorte que lorsque un réfugié ou un immigrant arrive sur un poste frontalier officiel, il doit rester aux États-Unis parce que c'est un pays sûr ou vice-versa. Alors, en ce moment, l'entente s'applique seulement sur les points frontaliers officiels. Elle ne s'applique pas sur l'entente sur l'ensemble de la frontière. Ça crée une grave problématique. Et le fait que 40 000 d'entre eux ont utilisé cette brèche-là dans notre système fait en sorte qu'il y a des groupuscules au Canada qui utilisent ça pour faire de la politique négative. On en est conscient, puis il faut se battre contre ça. Mais il faut surtout enrayer la problématique principale. C'est le fait que les libéraux ont fait miroiter un rêve à des centaines de milliers de gens dans le monde qui pensent qu'en arrivant ici par un passage illégal, ils vont pouvoir demeurer chez nous. C'est terrible de créer un faux rêve comme ça, parce que la majorité de ces gens-là vont retourner par avion dans 2 ans. Moi-même, je l'ai vu à mon bureau de député, un Colombien qui était venu me voir avec sa famille. Ils étaient ici depuis 10 ans. Ils ont été retournés dans leur pays. Ça, c'est sous la gouvernance du gouvernement libéral. Mais ce n'est pas à cause des libéraux. Tous les gouvernements doivent faire ça. C'est la loi sur les réfugiés. Un réfugié doit prouver qu'il va sûrement mourir s'il retourne chez lui. S'il ne peut pas le prouver, il va retourner. La plupart des gens ne comprennent pas ça. Ils viennent chez nous en passant par le chemin Roxham. Il faut régler cette situation-là. Et malheureusement, malgré les paroles creuses, M. Bugeaud, votre gouvernement n'a pas enrayé cette problématique-là. Et alors que vous traitiez les conservateurs de racistes, lorsqu'on vous disait d'amender l'entente sur les tiers pays sûrs, votre gouvernement est en train de tenter de l'amender avec M. Trump par en arrière. Merci, comment ça se fait que vous traitez les conservateurs Monsieur de racistes alors que vous le faites? Merci, M. Clark. Je vais donner la parole à Mme... Merci. Je vais donner la parole à Mme Vignola. Vous savez, l'immigration, c'est une des compétences qui est partagée entre le Québec et le Canada. Ce que nous, on demande dans les cas d'expulsion pour des causes administratives, par exemple, c'est que le Québec ait le droit de veto pour éviter que des personnes réfugiées qui sont ici depuis des fois 2, 3, 4, 5 ans, on en a même vu dans les nouvelles dans les dernières années, qui se réfugiaient dans les églises pour tenter d'éviter l'exportation. La déportation. Excusez-moi! Donc, la déportation, on veut que le Québec ait un droit de veto sur ces cas-là. Même chose, comme M. Clark le disait, ceux qui à qui on demande de retourner chez eux malgré une intégration et que leur vie est en danger, on veut que le Québec ait le dernier mot à ce sujet. C'est une compétence... double. Merci, Mme Vignola. Je vais donner maintenant la parole à Dalila Hilak. Juste pour ne pas trop s'auto-critiquer ou bien se critiquer l'un l'autre, là, pour vous dire que je suis sur le terrain, puis je sais que le gouvernement Trudeau a fait vraiment un grand problème au niveau de l'immigration, mais le gouvernement conservateur aussi. Moi, j'ai une madame que je connais, que son frère, à l'époque de Stephen Harper, était obligé de se convertir à l'église évangélique. Il était catholique juste pour avoir un job. Alors, si on parle de ça, là, on est dans un cercle vicieux, malheureusement, puis ça nous ramène nulle part. Merci, Mme Hilak. C'est comme ça qu'on termine cette période d'échange de 5 minutes. Cinquième question maintenant de ce débat. On va parler en fait du scrutin en soi. Alors, de la banlieue au centre-ville, les réalités de Beauport et de Limoilou, et j'ajouterai les Maiserais, ne sont pas les mêmes. Dans chaque quartier évoluent des gens aux intérêts et préoccupations tout aussi distinctes. Alors, dans un contexte où le taux de participation aux élections a tendance à diminuer, dans un contexte où ils sont nombreux, ceux et celles qui ne se sentent pas représentés au Parlement à Ottawa, alors que proposez-vous pour que la population se sente représentée par ces élus? Première réponse d'une minute par Simon-Pierre Baudet du NPD. Je pense que tout le monde s'attend à ce que je parle de la réforme de scrutin. C'est dans notre plateforme politique depuis longtemps. Et vous vous souvenez probablement que les libéraux de Justin Trudeau avaient promis à de multiples reprises que l'élection de 2015 serait la dernière, selon le mode uninominal à un tour. Et ils ont choqué leurs promesses dans les premiers mois de leur mandat de la manière la plus cynique. En fait, je me demande qui était le plus cynique entre le gouvernement et les médias qui ont dit « bon move de Justin Trudeau de choquer sa promesse maintenant ». Les gens s'en souviendront plus dans 4 ans. Okay? Moi, je m'en souviens très bien et je veux juste insister sur quelque chose. Présentement, il y a 2 partis devant vous qui prennent la crise climatique très au sérieux. C'est le NPD puis le Parti vert. Et présentement, ils ne participent pas aux décisions gouvernementales. Et si vous voulez sauver le climat, vous devez demander la représentation proportionnelle. Merci, M. Baudet. La réponse maintenant de Julie Vignola du Bloc québécois. Actuellement, les libéraux et les conservateurs, de ce que je lis, comptent sur le vote des 50 ans et plus parce que ce sont les personnes qui vont voter de façon loyale. Les gens de mon âge, les 35 à 50 ans, une fois sur deux. Et c'est les 18-35 ans qui sont notre plus grand défi. Je serais bien mal avisé d'essayer d'analyser les raisons pour lesquelles les 18-35 ans ne veulent pas voter. Peut-être parce que nos politiques ou les politiques depuis les 20 dernières années s'adressaient essentiellement à ceux qui y allaient voter. Maintenant, c'est de transformer notre langage pour s'assurer, et nos actions, pour s'assurer qu'elles représentent tout le monde. Et pour ça, c'est un travail d'équipe. Non seulement du politicien pour qu'il arrête de parler, comment on dit ça? Langue de bois? C'est ça l'expression? OK. Donc, en langue de bois, mais aussi de la part des jeunes qui prennent leur place. Merci. Merci, Mme Vignola. La réponse maintenant d'Antoine Bugeaud du Parti libéral. Écoutez, je peux vous dire que je suis le premier déçu qu'on n'ait pas réussi à réformer notre mode de scrutin. On a formé un comité transpartisan sur lequel le gouvernement libéral n'était pas majoritaire. Ce que je peux vous dire aussi, par exemple, c'est que dans la conversation sur la réforme du mode de scrutin, on n'a pas vraiment de débat sur une réforme de mode de scrutin. On a plus un débat à savoir si on va de l'avant ou non avec une proportionnelle. Moi, j'aimerais qu'on aille un vrai débat sur une réforme de scrutin dans lequel on pourrait inclure tous les scrutins qui sont disponibles, nominal à 2 tours, préférentiel, proportionnel, proportionnel mixte. On pourrait même essayer d'innover. Mais pour le moment, la mode tourne autour de la proportionnelle. Alors, c'est très difficile d'avoir un débat comme ça en ce moment. On n'est pas les seuls à qui c'est arrivé. La Colombie-Britannique a passé en référendum, ça a été refusé. Donc, c'est une conversation que j'aimerais continuer à avoir. Mais tant aussi longtemps qu'on va juste avoir une option, on n'aura pas de débat. Merci, M. Bugeaud. La réponse maintenant de Dalila Ilak du Parti vert. Le Parti vert veut aussi changer le mode de scrutin pour que ce soit proportionnel parce que c'est important que chaque vote compte. Si ça a réussi en Allemagne, pourquoi pas ici? Si la transition écologique a réussi à Victoriaville, pourquoi pas ici? Est-ce qu'on est inapte? Est-ce qu'on vaut pas la peine? Est-ce que... Moi, je vous demande en tant que citoyenne, je suis là quand même depuis 2012, pourquoi on ne veut pas changer la chose nous-mêmes? Vous avez essayé vous-même, que ce soit un député conservateur, libéral, NPD, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Rien du tout. Encore 10 ans de moins à vivre. Mais misère, on s'en va vers où? Vers le mur? Ça n'a pas de sens. Ou bien maintenant, ou bien après. Moi, je réussis toute seule à avoir des changements dans la vie quotidienne. J'ai proposé des projets, des fermes verticales pour sauver l'église, puis pour construire ça dans le sous-sol de l'église, un jardin pédagogique dans les écoles. J'ai fait des initiatives en tant que citoyenne, une simple citoyenne. Mais si on continue comme ça, là, ça va vers le vide. Regardez les bilans, 4 ans passent, mais 4 ans dans le vide. 4 ans, notre santé y dépend. Merci. Notre vie est partie en l'air. Ça n'a pas de sens. Merci, Mme Elak. Et la réponse maintenant d'Alupa Clark du Parti conservateur. Merci, monsieur. Moi, je ne serais pas faux-fuyant. Je pense que si on a une des plus grandes démocraties du monde, c'est notamment parce qu'on a un bon mode de scrutin uninominal à un tour. Moi, je pense que c'est un bon mode de scrutin représentatif. Et vous savez, en Allemagne, ils ont un mode de scrutin mixte. Il n'y a pas vraiment plus de participation qu'ici. Je vous invite à aller consulter les documents à cet égard. Mais vous savez, on a bien collaboré avec la NPD, je dois le dire, en 2016 à cet égard-là au Parlement, parce que les libéraux, en fait, ils ne voulaient pas le proportionnel. Hein. Je ne sais pas si je vous l'apprends, mais ils voulaient le système préférentiel qui, selon leurs calculs, leur a donné plusieurs majorités pour plusieurs mandats à venir. Et donc, nous, ce qu'on a dit aux libéraux, on était 100 députés conservateurs, quand même une bonne opposition, avec l'aide du NPD, on a fait ça conjointement au Comité des réformes démocratiques. On a dit, si quelqu'un doit décider, ce n'est pas les élus et surtout pas M. Trudeau, ça doit être la collectivité, ça doit être le peuple. Pour nous, les conservateurs, c'est le peuple qui doit décider si on change la manière d'élire nos élus. On a donc demandé un référendum et les libéraux ont fait des sondages à travers le pays et ont constaté que les Canadiens penchaient plus pour la proportionnelle. Ils ont vite mis ça à la poubelle parce qu'avec la proportionnelle, ils ne seraient pas là pour longtemps. Écoutez, encore une fois, une promesse brisée. Ils ont trompé la jeunesse, c'est merci, dommage, mais nous, Clark. On est pour le statu quo. Merci. Alors maintenant, ouvrir la période d'échange de 5 minutes sur la participation électorale et la représentativité. Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer en premier sujet. Je vais y aller avec Mme Vignola. Parfait. Eh bien, je pense qu'on s'entend tous sur le besoin qu'il y a de changer le mode de scrutin. Et c'est pas seulement pour aller chercher plus de votes. C'est pour justement avoir une réelle démocratie. Merci. Une démocratie qui n'est pas, j'aurais tendance à dire, un peu à l'image de l'Amérique, des États-Unis. Et c'est-à-dire une démocratie qui est axée sur deux grands partis. Une réelle démocratie est axée sur plusieurs partis, plusieurs idées qui, une fois rendues à la Chambre des communes, travaillent pour arriver à un consensus qui permet le bien-être de l'ensemble de la population. Merci, Mme Vignola. Monsieur Clark. Ben moi, j'aimerais dire, Mme Vignola, l'important, c'est pas le multipartisme. L'important, c'est d'avoir des partis qui travaillent pour la collectivité. C'est pour ça que nous, le prochain gouvernement conservateur, on va travailler pour la nation québécoise. On a reconnu la nation québécoise en 2008. Et là, on veut matérialiser cette reconnaissance-là de manière plus tangible, avec un rapport d'impôt unique, plus de pouvoir en immigration, pour s'assurer que la loi 21 ne soit pas contestée. Mais parlant de participation démocratique, j'ai cogné à 50 000 portes. J'ai fait 3 consultations publiques en 2018. En 2018, une à Limoilou, une à Giffard, une à Beauport. J'ai organisé des rendez-vous annuels. Vous étiez 4 000 citoyens à venir me rencontrer au domaine de Maizeray, il y a de cela un mois, pour la fête d'été du député, pour parler de vos préoccupations et des services que j'ai à vous offrir. Également, j'ai mis en place les festivités du Canada 105 ans, parce que des fois, il faut quand même être festif. On avait Safia Nolin qui est venue ici. Vous étiez plus de 2000 pour voir le beau spectacle de musique. Donc, moi, j'ai été à tous les instants un député de proximité. J'ai répondu à 4000 citoyens par année à la main. Vous recevez, je sais, vous m'en parlez souvent, des papiers par la poste. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent. C'est pas tout le monde qui est sur Internet. Et nos aînés aiment beaucoup d'avoir cette correspondance avec leur député fédéral. Et moi, je l'ai fait. J'ai travaillé chaque jour de ma vie. Ma famille peut en témoigner pendant 4 ans, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour briser le cynisme politique. Mais ce n'est pas en changeant un système ou un mode électoral qu'on va amener plus de participation. Et en terminant, collectivement, on peut se célébrer. Hein, parce qu'en 2015, sur 73 000 électeurs admissibles, il y a 53 000 personnes qui ont voté à Beauport-Limoilou. Vous avez bien participé. Bravo et continuez comme ça. Merci, M. Clark. M. Baudin. Je veux juste dire qu'on pense à la manière d'améliorer la participation électorale. Certes, c'est important, là, mais c'est définitivement pas la seule manière de s'impliquer en politique. Moi, je les côtoie, les jeunes, et ils sont très politisés. Puis ils sont très politisés autour d'enjeux, pas autour de partis. Voilà. Et présentement, là, vous le voyez avec les marches sur le climat, puis ces affaires-là. Je viens d'entendre d'autre part que peu importe le système de représentation qu'on se choisirait, qui ne serait pas uninominal à un tour, semble-t-il que ça n'améliorerait pas la participation. J'en sais rien, mais ce que je sais, on vient de parler de l'Allemagne, là, en général, en Europe, sont nettement plus avancés sur la transition écologique que nous sommes, puis c'est très exactement cet enjeu-là que je veux mettre de l'avant. Merci, M. Baudet. La parole à Mme Elak. En fait, Élisabeth, qui est la seule députée impeccable au niveau de son éthique, la solution pour elle, c'est vraiment un gouvernement de coalition. C'est ça que j'ai proposé. J'ai proposé à M. Côté qu'on travaille ensemble comme citoyens. J'ai proposé même à M. Clark. Lui, il a 2 enfants. Moi, j'en ai aussi. Puis c'est important qu'on travaille comme citoyens engagés avant qu'on soit élu ou autre chose. L'intérêt public il dépend de cette coalition-là. Puis c'est important qu'on travaille ensemble, peu importe nos allégeances, peu importe qu'est-ce qu'on veut faire. Moi, personnellement, je n'ai pas de ligne de parti rigide qui me bloque. L'essentiel, c'est vraiment l'intérêt des gens. On ne peut pas le laisser tomber de cette manière-là. Comme je vous ai dit, là, on a vraiment le dos au mur. Si on voit nos jeunes en train de penser à se suicider, puis le taux de suicide augmente, les gens qui sont stressés, les gens qui sont en dépression, on s'en va où avec ça? C'est notre responsabilité, nous les adultes. Alors, on ne peut pas passer inaperçu puis dire comme s'il n'y a rien été. C'est important qu'on travaille ensemble. Merci, Madame Elac. Je n'ai pas d'autres noms sur ma liste. Est-ce que... Monsieur Baudet? Non, ça va. Non? Ah, OK, je pensais que vous faisiez un signe avec votre main. Eh bien, on peut enchaîner avec l'autre thématique à ce moment-là. Merci beaucoup pour votre participation. Ça finit en douce, cet échange. Je vous rappelle que vous écoutez un débat donc qui est présenté, organisé par Molly-Moilou avec CKRL et le Carrefour de Québec. C'est présenté et enregistré au Centre communautaire Jean-Guy Drelet. C'est rediffusé sur les ondes de CKRL le mercredi 16 octobre à 10h. Vous pouvez également interagir, que ce soit ici en direct dans la salle avec vos téléphones ou encore lorsque vous écoutez la rediffusion avec le mot clic Beauport-Limoilou 19 ou suivre le compte Twitter de Mont-Limoilou. On va parler maintenant d'économie, bien que ça a été quand même abordé par la bande sur certains sujets. Donc, la nouvelle économie, hein, que ce soit Uber, Airbnb, Spotify, Facebook, Google et les autres, ont évolué hors des règles économiques classiques. Alors, d'un côté, comment s'assurer qu'ils intègrent ou qu'ils s'intègrent à l'économie traditionnelle? Et en parallèle, comment soutenir les commerces et les acteurs économiques locaux afin qu'ils puissent rester concurrentiels dans ce nouveau contexte et face à ces nouvelles réalités? Alors, la première réponse d'une minute avec Antoine Bugeaud du Parti libéral. Bien, du côté du commerce local, écoutez, moi, c'est une question qui me touche beaucoup. J'ai été moi-même propriétaire d'un restaurant pendant à peu près une vingtaine d'années. J'ai eu à gérer des employés, à subir les gens qui rentrent pas, à vérifier, à mesurer les impacts d'une pénurie de main-d'œuvre. Vous savez, nous, ce qu'on a décidé de faire au Parti libéral du Canada dans les quatre dernières années, c'est qu'on a décidé de baisser les impôts des petites entreprises. Ceux et celles qui ont pignon sur rue, qui se lèvent le matin, qui vont porter les enfants à la garderie, qui rentrent dans leur commerce, qui font leur caisse, qui font leurs horaires, qui gèrent leur entreprise les mains dans l'eau de vaisselle. Du début à la fin de la journée, on a baissé leur taux d'imposition de 11 à 9 %, ce qui fait que nos petites entreprises au Canada ont le plus bas taux d'imposition de tous les pays du G7. Ce qu'on s'est engagé à faire dans notre plateforme pour les quatre prochaines années, on s'est engagé à éliminer les frais de carte de crédit sur la TPS. Parce que la taxe, les gens la perçoivent pour le gouvernement. Il n'y a pas de raison qu'on charge des frais de carte de crédit sur un service que les petits commerces nous rendent. Merci, M. Bugeaud. La réponse maintenant de Julie Vignola du Bloc québécois. Vous savez, il y a tout un changement de mentalité, autant chez le consommateur que chez le commerçant. On va commencer avec le consommateur. Cet été, je cherchais un article technologique. Je suis allée dans des commerces locaux. Et on me disait, je ne l'ai pas, va voir sur Amazon. J'ai refusé d'aller voir sur Amazon. J'ai continué de chercher et de chercher. Et j'ai même offert à un commerçant, écoute, commande-le, charge-moi 5 $ de plus, j'aime mieux participer à ton économie plutôt qu'à l'économie d'Amazon. Va chercher, toi, ton profit. Et c'est ça qui, nous, comme citoyens, qu'on doit aussi changer. Aller acheter de proximité. C'est comme ça qu'on va aider nos commerçants. Et les GAFAM, tout ce qui est Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, le 3 % de taxes, on le demande depuis des années. Et soudainement, l'élection arrive. Merci beaucoup. La réponse d'une minute maintenant de Simon-Pierre Baudet du NPD. Voulez-vous que je vous parle de la taxe Netflix? C'est la TPS. Okay. Les grandes compagnies américaines, les géants du web, en ont été exemptés sous prétexte d'aider la classe moyenne. Pendant ce temps-là, des immenses capitaux ont quitté le Canada et sont allés se planquer dans des paradis fiscaux. Et on pensait que c'était pas important jusqu'à temps qu'on se rende compte que ça mine notre commerce local. Et moi, je vais toujours me souvenir de cette scène absolument spectaculaire, à mon sens, d'une conférence de presse conjointe entre le député de gauche Amir Kadir et Peter Simons, okay? Le capitaliste et le socialiste ensemble, qui s'unissaient pour réclamer une taxe puis une justice fiscale sur ce point-là. Et ces enjeux-là semblent lointains de nous jusqu'à temps qu'ils tombent dans notre cour. Il me semble que Peter Simon, c'est quand même quelqu'un qui a du poids à Québec. Et les immenses fuites de capitaux, on pensait que ça ne nous touchait pas jusqu'à temps qu'on se rende compte que notre propre journal local est en faillite, okay? Parce que les revenus publicitaires sont partis sur ces plateformes-là et ils ne payent pas de taxes, ne payent pas d'impôts. Et nous autres, on veut les taxer à hauteur de 3 % de leur chiffre d'affaires, pas de leurs revenus. Merci, M. Baudet. Merci beaucoup. La réponse maintenant de Dalila Ilak, du Parti vert. Le Parti vert s'engage à taxer, bien sûr, les géants du web, incluant Airbnb puis toutes les plateformes, et aussi taxer les revenus. S'ils ont un profit qu'ils font ici avec les citoyens canadiens, dans ces pays-là, au Canada, ils doivent payer leurs impôts comme n'importe quelle société. Déjà, Amazon a atteint un chiffre d'affaires astronomique, puis aucun cent n'est payé. C'est sûr que le gouvernement actuel, et qu'il soit conservateur ou libéral, n'ont pas pris aucune initiative pour le faire, malgré qu'ils se sont engagés à le faire. Nous, on ne parle pas juste de Netflix, on parle de toutes les plateformes électroniques. Moi, j'ai un commerce de proximité. J'ai de la peine à rester ouverte. Et je vois autour de moi qu'il y a plusieurs commerces qui ouvrent et qui ferment sur chemin de la Canardière. C'est vraiment incroyable jusqu'à quel point maintenant se lancer en affaires puis ouvrir un commerce de proximité, c'est comme un défi. Il faut vraiment le faire. Ce n'est pas évident du tout. Merci, Mme Ilak. La parole maintenant à Lou Patlock du Parti conservateur. Merci, monsieur. Oui, l'évolution des technologies numériques, les GAFA, etc., c'est déplorable. C'est, nos artistes et nos médias souffrent. Et je vous invite à regarder les prochaines journées de campagne. Notre chef Andrew Scheer l'a dit, à tout le monde en parle, qu'on allait avoir une annonce à cet égard-là. Mais au niveau, parce que la question comprenait également l'économie locale. Et moi, comme je vous l'ai dit en introduction, c'était mon cheval de bataille numéro un. J'avais trois piliers. En ce qui a trait au développement économique local, j'ai travaillé sur la pénurie de main-d'œuvre avec le Carrefour d'emploi de Beauport et avec les entreprises de Beauport. J'ai créé le regroupement des gens d'affaires de Beauport également, qui a eu son lancement officiel après 2 années de travail il y a un mois. J'ai travaillé en étroite collaboration avec Sébastien Chamberlain, qui nous quitte, hein, de la Société de développement commercial. Nous avons travaillé sur plusieurs projets ensemble. J'ai poursuivi la revitalisation du secteur d'Estimoville, à Giffard, les nouveaux édifices gouvernementaux qui sont là, qui contribuent à l'épanouissement de la communauté. C'était sous le gouvernement Harper à l'époque que ça a été construit et démarré. Et Medicago, je travaille avec eux en ce moment sur des questions de brevetage. Et également, j'ai travaillé pour la promotion du troisième qui est très important pour le développement de l'est de la ville de Québec, Beauport, Giffard notamment. Et finalement, j'ai travaillé avec le port de Québec pour le développement du projet Laurentia. Mais cela étant dit, on attend bien entendu l'étude de l'Agence canadienne environnementale. Merci, M. Clark. Alors, on va maintenant ouvrir la période d'échange de 5 minutes donc, sur ce sujet. Alors, qui veut lancer le débat? Ben, on va continuer avec M. Clark. Oui, Mme Ilak a tout à fait raison. Le partir une petite et moyenne entreprise aujourd'hui, c'est plus que jamais difficile. Après 4 années de gouvernance libérale, il y a une augmentation drastique de la paperasse. Et je dois le dire quand même, puis c'est pas pour être négatif, mais c'est la vérité. Ils ont tenté de surtaxer les gains en capital de nos petites et moyennes entreprises, qui créent 75 % des emplois au Canada. Ils voulaient taxer à 73 % les gains en capital. Très rapidement, c'est quoi les gains en capital? C'est l'argent supplémentaire que les petites et moyennes entreprises, les hommes et femmes qui se lèvent le matin, qui ont 20 ou 30 employés, ils mettent de l'argent chaque année dans des fonds, et quand ils ont des années difficiles, ils peuvent aller chercher cet argent-là. Les libéraux voulaient les taxer à 73 % sur ce gain en capital. Ensuite, Netflix. Bon, Trudeau vient de se reprendre. Certes, c'est bon, mais n'oubliez pas Netflix. Hein. Moi, je suis porte-parole des langues officielles. Ils avaient complètement oublié d'investir dans la culture au Québec. Et par après, Jolie a dit non, mais vous savez, on a mis 25 millions de dollars avec Netflix, mais on ne peut pas vous montrer l'entente. Jusqu'à date, on n'a pas vu cet argent-là écouler dans le marché culturel québécois. Et c'est une honte pour nos producteurs québécois. Merci, M. Clark. La parole à Mme Ilak. Moi, pour vous dire la vérité, en tant que citoyenne, j'ai plus confiance. Tout simplement, ni en un gouvernement conservateur ou libéral, ou même les autres partis qui ont fait l'opposition puis qui n'ont rien fait. Parce que vous savez, en Colombie-Britannique, 3 élus verts ont réussi quand même à bloquer les pipelines. Et pourtant, il y a 2 gouvernements, un PD en Alberta et en Colombie-Britannique. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de volonté réelle pour changer les choses. La solution ici, c'est vraiment au niveau des impôts pour les petites entreprises. Il faut que ça se passe au provincial. Le Parti vert veut vraiment que il y a une déclaration unique au provincial au Québec, puis ça se passe ici. Moi, en 2013, je me suis fait voler mes pièces d'identité et depuis cette année, en tant que petite entreprise, j'ai une vérification du fédéral à toutes les années. Ça me bloque. D'abord, il y a le fait de survivre comme petite entreprise, puis au fédéral, Revenu Canada n'aide pas du tout. Alors, c'est sûr que moi, je suis pour le transfert de compétences, de déclaration de revenus au provincial. Merci, Mme Hélac. C'est urgent. Merci. La parole maintenant à M. Baudet. Ça fait deux fois aujourd'hui que Mme Hélac évoque les projets des branches provinciales du NPD. Il est vrai que Rachel Notley, qui était première ministre de l'Alberta, a troqué son adhésion à la taxe du carbone en échange d'un pipeline et on a refusé. Elle s'est tournée vers Justin Trudeau puis est tellement fru qu'elle nous parle plus puis elle veut pas voter pour nous. Okay? Alors, on a très bien fait notre job. Merci. Évidemment, la petite entreprise, tout le monde est pour. Nous, je veux dire, on n'en dira que du bien, mais on ne peut pas faire abstraction des menaces qui pèsent sur elle. Okay? Et les menaces qui pèsent sur elle, c'est le fait que les grandes entreprises, elles, jouissent d'un avantage qui est indu. C'est ça aussi qui pèse sur le commerce local. Qu'est-ce qui pèse sur le commerce local? C'est le commerce électronique. C'est le commerce électronique qui n'est pas soumis aux règles qui sont celles respectées par la petite entreprise. Et encore une fois, je crois que c'est le cas, mais j'aimerais... Je passe la poque à M. Bugeaud. Dites-nous-le, là, vous allez taxer les GAFA si vous êtes élu. Oui, oui, c'est un engagement qu'on a pris, good, tout à fait. It's about time. La réforme de scrutin. C'est bon? Ben si vous voulez avoir une conversation dans laquelle on va parler de d'autres choses que de proportionnel, où est-ce qu'on va mettre toutes les options sur la table, moi, une vraie conversation ouverte pour réformer notre mode de scrutin pour vrai, moi, j'embarque dans cette conversation-là demain matin. Non, maintenant. Moi, vous avez raison de dire qu'on va les taxer, les grands, puis on a décidé de les taxer. Monsieur Aloupa Clark voudrait nous dire qu'on a pris du temps. Oui, on a pris du temps parce que nous autres, au Parti libéral, on prend le temps de réfléchir avant de mettre des mesures de l'avant. Ce qu'on a choisi de faire, c'est de s'entendre. Les grands ont investi dans la culture québécoise. C'est une vitrine exceptionnelle. Je peux vous donner des exemples. Les Affamés, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est un film de zombies. On aime ça, nous, hein, les films de zombies, gang? C'est le fun, les films de zombies. Bien, Les Affamés, ça a été vu à l'international grâce aux grands aux géants du web. Hein? Série Noire. Martin Matt va avoir son show d'humour qui va être diffusé à l'international grâce aux géants du web. Alors, la nouvelle économie numérique, là, c'est pas un enjeu canadien et québécois, là. C'est un enjeu international. Alors, nous, là, on serait arrivés là avec nos bâtons, on dirait, c'est le même, ça va marcher. Non, c'est pas ça qu'on a fait. Nous, on a pris le temps de faire les choses comme il faut. On a pris le temps de réfléchir. On a dit, non, on percevra pas tout de suite la TPS, la TVQ, parce que, soit dit en passant, la TPS, la TVQ, c'est pas taxer les grands de ce monde. C'est taxer vous tous ici. Merci, M. Bugeaud. Je vais simplement laisser les 15 dernières secondes à M. Clark. Oui, merci, monsieur. Non, les libéraux sont assoiffés de votre argent. Leur objectif, c'est d'augmenter vos taxes et vos impôts de manière drastique. Ils n'auront pas le choix. 71 milliards de dollars de plus sur la dette nationale en 4 ans. Et c'est seulement après 2 ans de pression du Parti conservateur et de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, et pour se sortir du fiasco des impôts qu'ils ont voulu des taxes qu'ils ont voulu mettre sur les gains en capital, qu'ils ont décidé de baisser. Merci, la taxe sur les petites et moyennes entreprises. Merci. Sur notre pression. Merci beaucoup. Alors, on poursuit avec la dernière question prévue à ce débat. Ensuite, ce sera vos questions du public. Alors, vous avez encore quelques instants pour les proposer à l'entrée. Donc, dernière question de ce débat prévu, lutte à la pauvreté et pénurie d'emplois. On voit beaucoup de petites et moyennes entreprises qui vivent une pénurie de main-d'œuvre. Les emplois disponibles sont légion et pourtant, le taux de pauvreté n'a pas diminué de façon significative depuis quelques décennies, alors qu'une telle pénurie devrait, en théorie, être favorable aux travailleurs et travailleuses. Alors, que proposez-vous pour améliorer les conditions de vie des travailleurs et travailleuses? Première minute pour répondre, M. Aloupa Clark, du Parti conservateur. Oui, merci, monsieur. Absolument. D'ailleurs, j'aimerais te dire en début que tout député ou tout candidat politique devrait avoir l'objectif numéro un d'enrayer la pauvreté. Il faut aider la communauté, s'entraider entre nous tous. Et d'ailleurs, au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, j'ai fait 3 consultations publiques en 2018, duquel j'ai entendu quel était l'enjeu principal dans le comté. C'est vous-même qui me l'avez dit. Des centaines de citoyens ont participé aux consultations publiques. C'est un enjeu qui est double. D'abord, les travailleurs, nos aînés, les retraités qui désirent revenir sur le marché du travail et qui sont pénalisés dans tous leurs bénéfices sociaux, et les entreprises qui ont besoin des aînés sur le marché du travail. Oui, il y a l'immigration, oui, il y a les jeunes, mais les aînés veulent travailler. Le problème, c'est quand ils reviennent sur le marché du travail, soit qu'ils payent kiff-kiff impôts puis l'argent supplémentaire qu'ils ont eu à la fin du mois pour avoir plus d'argent dans leur poche, avoir une meilleure qualité de vie, ou au lieu de cela, ils sont pénalisés dans tous leurs bénéfices sociaux. Moi, je m'engage. Si je suis réélu le 21 octobre, grâce à votre confiance, avec l'aide du chef, et j'ai déjà commencé le travail en amont à la Chambre des communes avec mes collègues, de déposer un projet de loi avec la collaboration du caucus conservateur pour faire en sorte que dans le budget de 2020, donc dans quelques mois, qu'on puisse aider les retraités à revenir sur le marché du travail sans perdre leurs bénéfices sociaux. Merci beaucoup. La réponse maintenant de M. Antoine Bugeaud du Parti libéral. Écoutez, en matière de lutte aux pauvretés, là, je pense que le bilan du Parti libéral parle par lui-même. Je vous ai dit que vous allez vous en parler, je vais vous en parler. Avec l'allocation canadienne aux enfants, là, on a sorti 300 000 enfants de la pauvreté, presque 1 million de personnes. En Beauport-Limoilou, là, il y a presque 15 000 enfants qui ont bénéficié de cette allocation canadienne aux enfants-là. Okay? Moi, j'en connais 1 million d'histoires là, qu'on m'a racontées à quel point ça faisait la différence, le chèque qui rentrait, là. Que ce soit pour payer l'épicerie, le compte d'électricité. Vous savez, à un moment donné, les gens, ils ont une fierté. Puis la fierté, là, c'est de pouvoir contribuer à son milieu puis contribuer à sa société. Nous, là, au Parti libéral du Canada, avec la stratégie nationale sur le logement dont je vous parlais tout à l'heure, avec l'allocation canadienne aux enfants qu'on a bonifiée, qu'on s'est même engagé à bonifier encore davantage pour les enfants de moins de 1 an, c'est ce qu'on donne comme chance aux gens. On leur donne une chance de contribuer à la société et d'être fiers d'eux-mêmes. Merci, M. Bugeaud. La parole maintenant à M. Simon-Pierre Baudet du UNPD. Merci. Je croyais à un oxymore, en fait, quand j'ai lu le thème, la lutte à la pauvreté, pénurie d'emploi. Donc, tout le monde travaille, puis tout le monde est pauvre. Non, c'est effectivement de ça dont vous vouliez parler. Ça nous montre à quel point le système est brisé. Okay? Je viens d'entendre évoquer les chèques. Là. Nous autres, c'est Stéphane Harper qui avait mis ça, fait qu'on les appelait les chèques à Stéphane. Puis là, depuis que c'est Justin Trudeau, on les appelle les chèques à Justin. Puis François Legault nous en envoie aussi, fait qu'on les appelle les chèques à François. Là. Je veux dire, tous ces chèques-là sont là d'une manière des gouvernements de s'excuser de leur faible couverture des programmes sociaux. Okay? Tout simplement, ça a toujours été les grands chantiers du NPD. C'est au NPD qu'on doit l'assurance santé. Et encore dans cette élection aussi, on dit on va couvrir les soins dentaires pour les familles à bas revenus. Okay? Encore une fois, comment soulager la pauvreté? C'est de soulager les comptes qu'on a à payer. Encore une fois, là, ce ne seront pas les baisses d'impôts à la classe moyenne, parce qu'ici, on parle spécifiquement de pauvreté. Okay? Ça ne va pas changer quoi. Ça prend une couverture sociale mur à mur. Puis c'est ça le programme du NPD. Merci, M. Baudet. La réponse maintenant de Julie Vignola, du Bloc québécois. J'ai travaillé comme coordonnatrice de la stratégie d'intervention Agir autrement pour les milieux défavorisés. La pauvreté, je l'ai vue. Avoir à aller chercher un panier d'épicerie, je l'ai fait. J'ai eu à le faire. Je l'ai vécu. La pauvreté, c'est pas unidimensionnel, c'est pas seulement l'économie, c'est une foule de facteurs, puis des fois, c'est simplement la vie qui nous tombe dessus. Bien, le Bloc québécois, ce qu'il a à proposer, c'est de protéger, par exemple, les femmes au niveau de l'assurance-emploi lorsqu'elles tombent enceintes et que durant leur congé de maternité, leur entreprise ferme ou soudainement leur emploi est coupé. On veut demander à ce qu'au retour de ce congé-là, elles puissent quand même avoir accès à l'assurance-emploi, justement pour ne pas créer une nouvelle pauvreté. Et ce n'est qu'une des mesures qu'on a en place. Mais d'abord, il faut collaborer entre les entreprises, le milieu éducationnel, les organisations communautaires. Merci, Mme Vignola. La réponse maintenant de Dalila Elak du Parti vert. Le Parti vert s'engage à mettre en place un revenu minimum garanti. Moi, c'est sûr que j'habite sur chemin de la Canardière. Je vois la pauvreté au quotidien, les gens qui ramassent dans les vidanges. Ça, c'est lamentable. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment donner la dignité aux gens. Là. Comment on peut... Les personnes âgées retraitées qui ont passé toute leur vie, puis en fin de compte, ils viennent acheter dans mon commerce pour me payer le jour où ils vont recevoir leur pension, jusqu'à où on s'en va avec ça. Nous, le Parti vert, ce qu'on veut, c'est vraiment un revenu minimum garanti, un accès aux soins de santé incluant l'assurance chômage, pour les personnes qui sont des chômeurs, mais aussi pour les personnes qui sont malades. Ce matin, j'écoutais à la radio une madame qui est atteinte du cancer. Elle a juste 15 semaines 15 semaines, elle doit guérir après ou bien retourner au travail ou bien hypothéquer sa maison ou faire ce qu'elle est capable de faire. On peut même pas se permettre de se faire soigner. On n'a pas le droit de vivre dignement. Qu'est-ce qu'on attend de plus? Toutes ces années, depuis la Confédération, on investit juste dans le pétrole et dans les énergies fossiles. Merci, Mme Hélac. Faut que ça arrête. Merci beaucoup. Alors, on va ouvrir cette période d'échange de 5 minutes, donc sur la pauvreté et la pénurie d'emploi. Alors, on va commencer avec M. Clark. Merci, monsieur. Oui, absolument. Écoutez, d'abord, je voudrais dire, l'allocation canadienne pour les enfants, c'est écrit par le gouvernement conservateur précédent. C'est important de le dire. C'est une mesure qui est importante. Ça aide les Canadiens, les Québécois et les Québécoises. Puis, ça va être maintenu sur le gouvernement conservateur de Andrew Scheer. Par contre, la taxe libérale sur le carbone, qu'on soit pour ou contre le pétrole, là, on achète de l'essence pour nos voitures et c'est nécessaire. Qu'est-ce qui coûte cher pour les gens qui sont malheureusement dans une situation de pauvreté ou, comme Mme Vignol le dit, pour toutes sortes de facteurs socio-économiques ou de facteurs autres? Ces gens-là doivent payer l'épicerie, doivent payer des logements et de l'essence aussi par ailleurs. Plusieurs d'entre eux ont une voiture pour aller travailler. La taxe libérale sur le carbone va augmenter le coût de chacune de ces denrées-là. Nous, on pense que la TPS sur l'électricité, ça n'a pas lieu d'être parce que l'électricité, comme la farine à l'épicerie, c'est un besoin nécessaire et existentiel. Également, on va faire une baisse d'impôts pour tous qui va s'appliquer aux gens qui sont dans la première tranche d'imposition. Statistique Canada dit que la pauvreté, c'est 22 000 et moins. La première tranche d'imposition qui est entre 12 000 et 47 000 $ par année, nous allons réduire pour chaque individu de 450 $ par année. On va mettre TPS sur l'électricité et en équilibrant le budget d'ici 5 ans, on va avoir des revenus supplémentaires et on va redonner l'argent aux citoyens pour qu'ils aient une meilleure qualité de vie à la fin du mois et pour boucler le tout de manière plus convenable. Merci, M. Clark. La réponse... la parole à Mme Hélac. J'ai oublié mon fil d'idée. Vous pouvez passer, Monsieur Baudet. On va y aller avec M. Baudet. Ben écoutez, sur la question de la taxe sur le carbone, il me semble qu'il y a une espèce de fatalisme de la part des conservateurs. Ils ne veulent absolument pas changer ni initier de transition économique et énergétique. Là. Mais si on parle spécifiquement de pauvreté, je ne parle pas de classe moyenne, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont dans des situations de pauvreté qui ont une voiture, là, mais essentiellement, ils ont besoin de transports en commun gratuits. Okay? Ça coûte cher. Okay? 3,5 $. 3,5 $ à chaque passage, là, pour quelqu'un en situation de pauvreté, c'est quelque chose qui est grave. Okay? Et comme ça, on va réduire. Surtout que souvent, ces populations-là vivent dans des milieux urbains où c'est plus facile pour eux de se déplacer avec le transport en commun qu'avec la voiture. Merci. Madame Vignola. Dans les mesures qu'on veut mettre pour aider la population, on parle de protéger les caisses de retraite. Dans les dernières années, on a eu des entreprises qui ont fait faillite. Et les employés qui ont travaillé pendant 25-30 ans ont tout perdu, incluant leur caisse de retraite. Il y a une loi qu'on veut déposer avec Marlène Gill à ce sujet-là, pour protéger ces caisses de retraite-là. Ça n'a pas de bon sens de les perdre quand tu as travaillé 30 ans pour une entreprise. Ensuite de ça, on veut, pour les programmes sociaux, des transferts sans condition qui vont permettre... De réinvestir en éducation pour que le Québec puisse améliorer son système et particulièrement sa formation de la main-d'œuvre. Et ça va permettre au Québec d'avoir encore plus d'employés spécialisés. Et lorsqu'on parle d'employés spécialisés, on parle de meilleurs revenus. Enfin, on veut avoir une augmentation du SRG, donc du supplément de revenus garanti, et des pensions de retraite afin que les personnes âgées qui sont souvent seules, rendu à un certain moment de leur vie, puissent vivre dignement. Merci, Mme Vignola. Mme Hélac? En fait, je veux juste ajouter le fait que le Parti vert est pour l'éducation postsecondaire gratuite. Ça, c'est une nécessité, là. On ne peut pas laisser les jeunes s'endetter juste pour avoir accès à l'éducation. Autre chose, il y a un cas qui concerne Limoilou, le White Birch. Quand ils ont acheté l'usine du papier, les personnes qui sont retraitées, ils ont perdu une grande partie de leur pension, puis ils sont en cours. Alors, ceux qui vont se faire élire, ils doivent s'engager ici, là, de défendre ces gens-là. Il y en a une grande partie qui est décédée avant d'avoir leurs sous. C'est très important. On s'assure qu'on défend les gens les plus démunis. Ils ont travaillé toute leur vie, ils perdent leur pension, puis il y en a plein, comme je vous ai dit, qui sont qui sont décédés sans rien avoir. Je suis d'accord aussi avec M. Baudet. Gatineau, ils ont essayé la gratuité de transport, du moyen de transport, puis ça fonctionne, puis ils sont pas déficitaires, alors c'est faisable. Merci, Mme Mélac. Oui, M. Bugeaud? Je pense que tout le monde ici en avant est d'accord. Là. Les gens qui sont en situation de pauvreté demandent à ce qu'on les aide, et c'est le rôle d'un gouvernement de les aider. Maintenant, c'est dans le moyen. Je pense que tout le monde a de bonnes idées, là, mais dans la mécanique, là, à un moment donné, là, ce que les gens ont besoin, c'est d'argent. Alors, vous pouvez être cynique quant au chèque de l'allocation canadienne aux enfants, mais nous, on s'est engagé à remettre ça. C'est non imposable. Ça sert 9 familles sur 10 plutôt que de 15 % des gens. Et puis, ça a donné des résultats concrets. Ça a sorti de la pauvreté 1 million de personnes au Canada dans les quatre dernières années. Merci, M. Bugeaud. Bien, c'est comme ça qu'on va conclure cette période d'échange de 5 minutes. Nous allons maintenant passer aux questions du public, dont vos questions, et elles ont été nombreuses, si je ne me trompe pas. Alors, tout au long de la soirée, vous avez été proposer vos questions ici à l'entrée. Les questions ont été triées afin d'éviter une redondance avec les sujets qui ont déjà été traités ou peut-être même parmi vos questions. Les membres du public peuvent avoir choisi d'interpeller soit directement ou spécifiquement un ou une candidate ou encore poser une question à l'ensemble d'entre eux. Les candidats sont invités à garder leurs réponses et répliques brèves afin de permettre un maximum de questions d'être posées. Et je vois le nombre, là, je pense pas qu'on puisse toutes les poser. La période sera d'une durée de 20 minutes. Alors, on commence avec une première question qui, en fait, je vais inviter tout le monde à répondre peut-être en 30 secondes. Alors, quelle est votre position quant à la loi 21? Et ben, je vais commencer simplement à l'extrémité avec le Bloc québécois, Julie Vignola. La position du Bloc est simple et claire. Et c'est la même que Québec solidaire, c'est la même que le Parti québécois, c'est la même que la CAQ. La loi 21 est de compétence provinciale et non fédérale, et on n'a pas à intervenir. Ça a été choisi comme ça, ça a été voté, il y a eu un consensus, on parle de 70 % des Québécois et des Québécoises, point. On n'a pas à contester directement ou indirectement cette loi-là au niveau fédéral. C'est une loi qui est provinciale. Merci, Mme Vignola. Simon-Pierre Baudet du NPD. Si je peux me permettre de corriger Mme Vignola, les positions de Québec solidaire et de la CAQ sont diamétralement opposées. En ce qui nous concerne, au NPD, nous sommes résolument contre. Ceci dit, nous sommes d'accord avec Mme Vignola. C'est une compétence québécoise et ça va se régler au Québec. Merci, M. Baudet. M. Clark. Écoutez, monsieur, une des raisons pour que je suis extrêmement fier d'être un conservateur, c'est que nous, on est dans l'héritage de Georges-Étienne Cartier et Johnny McDonald. On n'est pas paternaliste, on n'est pas centraliste. Vous allez comprendre, ces deux pères fondateurs-là, ils ont fait un deal à l'époque. Georges-Étienne Cartier, en notre nom, les futurs, les descendants, il a dit, les Canadiens anglais ne doivent pas se mêler des affaires du Québec. Et c'est comme ça que ça devrait l'être depuis 152 ans. Les libéraux sont paternalistes et centralisateurs. Nous, en tant que bon gouvernement conservateur, décentralisateur, on respecte les champ de compétences, et seulement un gouvernement conservateur va pouvoir s'assurer que la loi 21 ne soit pas contestée. Le Parti libéral de M. Trudeau vont le contester dès qu'ils sont réélus le 22 octobre, le 21 octobre, si c'est le cas, et le Bloc québécois sont des gérants d'estrade, des spectateurs, ils ne jouent pas au hockey sur la glace, ils ne peuvent pas marquer des buts, ils ne pourront absolument pas protéger la nation québécoise dans ses choix et dans ses décisions. Merci, M. Clark. Merci de ne pas applaudir trop longtemps pour laisser les droits de parole. Monsieur Bugeaud. C'est vrai que c'est une conversation qui a lieu au Québec en ce moment. On est très attentif à cette conversation-là. J'étonnerai personne en disant que je suis contre cette loi-là. Par contre, à ce stade-ci, c'est contre-productif d'aller de l'avant. Moi, ce que je dis, c'est que vous allez toujours pouvoir compter sur moi pour défendre les droits fondamentaux ici au Canada. Quiconque dans cette salle aura besoin de moi un jour pour l'aider à défendre ses droits fondamentaux pourra compter sur moi. Merci, M. Bugeaud. Mme Mélac. La position du Parti vert est de dire que c'est une compétence provinciale. Alors, ça, on ne va pas la négocier, on ne va pas s'impliquer ni s'ingérer dedans. C'est sûr que moi, en tant qu'immigrante, je sais qu'il y a eu une commission Bouchard-Taylor que les contribuables ont payé des millions de dollars pour cette commission-là qui a sorti avec un rapport extra-géant qui n'a rien donné. Si cette loi, ça s'applique à toute la population, moi, je suis favorable à ça. Merci, Mme Elac. La prochaine question s'adresse encore à tout le monde. Alors, je vais peut-être commencer avec M. Bougeau, simplement pour faire une rotation. Êtes-vous personnellement en faveur de rouvrir le droit des femmes à l'avortement? M. Bougeau, du Parti libéral. Moi, mes deux filles sont ici, là, et il n'y a absolument pas question que je permette à quiconque de venir dire à mes deux filles que j'aime beaucoup ce qu'elles ont droit ou pas le droit de faire. Et c'est ma position sur l'avortement. Les femmes, tous aussi nombreuses qu'elles sont, ont le droit de choisir. Et je vais toujours me battre pour préserver ce droit-là. Merci, M. Bigeau. Mme Elac, du Parti vert. Vous savez qu'Elisabeth May, il y avait une candidate qui s'est positionnée contre, puis elle l'a mis dehors. Et moi, elle a respecté sa parole. Ça, c'est très important en politique. Moi, je viens d'une famille où on est 7 filles. Puis j'ai 3 filles aussi. Alors, je pense que notre droit de choisir ce qu'on fait avec notre corps, c'est primordial. Si on régresse, puis on recommence à discuter, c'est notre droit légitime. Je pense que la priorité maintenant, c'est vraiment de parler de l'équité salariale, d'autres acquis que les femmes peuvent avoir au lieu de régresser, puis de discuter l'accès à l'avortement. Je sais que, vous savez, là, une information pertinente que vous devriez savoir, 22 800 femmes à chaque année qui sont décédées au Canada parce qu'elles n'ont pas accès à un avortement sécuritaire. Puis le délai est tellement long, même dans cette province, au Québec. Merci. Merci, Mme Elac. Mme Vignola du Bloc québécois. J'en reviens pas qu'en 2019, on a encore à se questionner sur cet aspect-là. C'est clair, c'est simple. Le corps d'une femme appartient à une femme. Elle n'a pas à subir de pression de qui que ce soit ou de quoi que ce soit lorsqu'elle prend la décision de continuer ou d'interrompre une grossesse. Point à la ligne. Merci, Mme Vignola. Monsieur Baudet, JNPD. Je veux juste dire qu'on a déjà été testé là-dessus tout à l'heure. Là, tout le monde va vous donner la même réponse en passant. La question n'est pas de savoir si personnellement on est pour ou contre l'idée de rouvrir le débat. C'est est-ce qu'il y a une possibilité, si un gouvernement, notamment conservateur, est élu, que le débat soit rouvert? Okay? Et encore une fois, l'ancien député ici, néo-démocrate à mon côté, a écrit très récemment dans Le Devoir pour rappeler un épisode où en 2012... Ça fait pas longtemps, là. Ça fait seulement 7 ans, des députés d'arrière-ban conservateurs ont tenté de recriminaliser l'avortement d'une certaine manière. Est-ce que cette possibilité-là existe? C'est ça la question qu'il faut poser à M. Tlark. Merci, M. Baudet. Non. Et la réponse à M. Tlark. Écoutez, le droit des femmes de disposer de leur corps, c'est un droit fondamental que le Parti conservateur va défendre bec les ongles. Et je peux vous dire, ce qui est triste, c'est que les seuls qui veulent qu'on parle de ça aujourd'hui, c'est les libéraux. Leur bilan est tellement désastreux qu'ils font de la propagande qui inquiète la population. Et je peux vous dire que moi, je suis non seulement pro-choix, mais le scénario dont vous avez parlé, l'exemple dont vous avez parlé en 2012, M. Woodward, M. Harper, à l'époque, l'avait mis indépendant 24 heures plus tard, et s'il aurait pu, il aurait scié ses jambes, je peux vous le dire. Et le chef Andrew Scheer l'a dit, sous son gouvernement conservateur, non seulement le débat va jamais revenir, mais si jamais un député indépendant ou un député conservateur ou d'un autre parti, parce que c'est le droit constitutionnel de tout député de déposer un projet de loi, avance dans cet égard-là, ça va être arrêté immédiatement par un vote du cabinet ministériel sur le gouvernement conservateur. Merci, M. Tlark. Alors, on enchaîne avec une autre question du public qui, encore une fois, s'adresse à tout le monde. Et cette fois-ci, je commencerai avec M. Baudet. Considérant que Post Canada possède la plus grosse flotte de véhicules au pays, dont 15 000 véhicules à essence, c'est près de 96 millions de kilomètres par année qui sont parcourus et plus de 844 000 kilotonnes de CO2 qui sont générées. Bon, je vais me fier aux chiffres dans la question. Est-ce que vous vous engagez à faire pression afin de demander l'électrification de cette flotte, M. Baudet? Ça, c'est le type de question qu'on adore, là, une question vraiment spécifique. C'est quoi la position de votre parti sur le document que je viens juste de vous remettre avant le débat? Mais je suis heureux de vous dire qu'effectivement, c'est dans notre plateforme. Okay? Spécifiquement, là, ce qui est de compétence fédérale, l'électrification des véhicules, c'est dans notre plateforme. Donc, on s'engage à le faire, oui, tout à fait. Merci, M. Baudet. M. Tlark? Écoutez, nous, notre vrai plan sur l'environnement, il est basé sur l'investissement massif dans les technologies vertes et l'innovation. Ce qui fait du peuple canadien un grand peuple dans le monde, Pensez juste au bras canadien dans la Station internationale spatiale. C'est l'innovation et la technologie. C'est même une création d'emplois incroyable. C'est un secteur dans lequel il faut être fier, il faut miser. Nous, on n'a pas une approche punitive envers les Canadiens pour les changements climatiques. On ne va pas imposer davantage de taxes sur vos épaules. On a une approche positive. On va miser sur nos forces au lieu de nos faiblesses. On va miser à une technologie verte. Et oui, il faut tendre, bien entendu, vers l'électrification des transports de plus en plus. D'ailleurs, Volvo va être électrique dans 5 ans. Et il faut tendre vers cela pour l'ensemble des producteurs de voitures. Merci, M. Clark. M. Bugeaud du Parti libéral. C'est une excellente idée. Moi, si vous pouvez compter sur moi pour faire de ce combat le mien. Je pense que oui, comme gouvernement fédéral qui croit à la transition énergétique, on se doit d'aller de l'avant avec l'électrification des transports. D'ailleurs, on veut le faire avec la majorité des flottes commerciales. On veut trouver des moyens pour faire en sorte que les flottes commerciales puissent s'électrifier. Poste Canada fait partie de ça. Merci, M. Bugeaud. Dalila est là. Nous, dans notre plateforme, c'est 2030 pour que tous les transports, qu'ils soient collectifs ou personnels, vont être électriques. Il n'y aura pas d'autre échéance pour qu'on fasse notre transition. Et déjà, il y a deux compagnies québécoises qu'on veut vraiment leur donner une bonne mission dans notre transition au lieu de donner des subventions tout le temps. La Davy, elle va s'occuper de rendre tous les bateaux écologiques et électriques. Puis Bombardier aussi, ils vont avoir leur mission pour transformer les avions. Parce que ça, c'est primordial d'aller vers ça puis de passer à la transition rapidement. Merci, Mme Elac. Mme Vignola du Bloc québécois. Évidemment qu'il est plus que temps que Postes Canada se modernise. L'électrification des transports, des voitures, c'est d'une importance capitale, je vous dirais. Pour le Bloc québécois, mais on parle aussi d'électrification des moyens de transport en commun, dont les autobus scolaires. Et Postes Canada, d'ailleurs, plusieurs autres mesures très modernes qui seraient très intéressantes à appliquer et à mettre en motion. Merci, Mme Vignola. Alors, j'ai une question maintenant qui s'adresse à un candidat en particulier, mais je vais inviter tous les autres à répondre par la suite. Alors, M. Clark, pourquoi votre formation ne défend-elle pas la création d'une bourse du carbone ou d'autres mécanismes du même genre dans un contexte de crise climatique? Non, c'est pas qu'on le défend pas, c'est que l'environnement, c'est un champ de compétences provincial en ce qui a trait au changement climatique. Rappelez-vous, en 2008, le gouvernement conservateur a mis en place un programme d'écofiducie, 1,3 milliard de dollars qui a été distribué à travers toutes les provinces du Canada. À l'époque, Stéphane Guilbeault, chose intéressante de Greenpeace, avait louangé ce programme-là. Jean Charest avait une enveloppe de 300 millions de dollars et c'est même grâce à cette enveloppe-là que M. Charest a pu mettre de l'avant la bourse sur le carbone. Nous, on respecte les champs de compétences des provinces, on respecte la nation québécoise, on respecte la bourse sur le carbone, c'est un choix québécois. Mais au fédéral, notre approche sur l'environnement ne sera pas une approche punitive. On ne va pas faire payer aux Canadiens. D'ailleurs, les libéraux ont exempté les grands pollueurs de la taxe libérale sur le carbone, alors que les citoyens doivent payer 100% de la taxe. Ça, c'est punitif. C'est négatif. On doit miser sur ce qui nous force au Canada. C'est les technologies vertes, l'innovation. On va bannir l'exportation du plastique, monsieur, dans les pays qui rejettent ça dans nos océans. Et d'ailleurs, quand je parle des technologies vertes, là, à Beauport, on a un exemple majestueux. La compagnie SG Energy vient de créer, c'est à Beauport, c'est chez nous, à Québec, vient de créer un réacteur qui transforme les sacs de plastique dans leur état de pétrole. Donc, ils les retournent dans leur état de pétrole. Imaginez-vous lorsque ça va devenir rentable. Partout dans le monde, des entreprises québécoises, fières de chez nous, de Beauport-Limoilou, vont aller partout dans le monde et au Canada pour aller chercher tous les sacs de plastique qui existent parce qu'ils vont vouloir faire de l'argent avec ça pour le transformer en pétrole. Ça, c'est seulement un exemple de comment l'innovation dans les technologies vertes peuvent nous aider à aller de l'avant. Merci. Et faire en sorte qu'on réduit nos gaz à effet de serre. Merci, il ne faut pas être punitif, il faut être positif. Merci beaucoup. On va prendre le tour de parole de tout le monde, M. Bugeaud. Ben nous, écoutez, l'exemple du Québec le démontre, là, ça fonctionne. On s'est fait agacer avec nos deux avions. On a acheté des crédits de carbone pour ça parce que dans une transition énergétique, là, on peut pas demander à tout le monde d'arriver tout de suite à la ligne d'arrivée. Là, ça prend du temps. Faut prendre le temps de faire les choses. La bourse sur le carbone, c'en est une solution. C'est-à-dire que ceux et celles qui polluent vont payer. Puis cet argent-là va servir à quoi? Va servir à favoriser une transition énergétique. Faut être patient, mais faut être ambitieux, il faut aussi être réaliste. La bourse sur le carbone au Québec, c'est une preuve que ça fonctionne. Nous, on veut aller de l'avant avec ça. Merci, M. Bugeaud. Mme Elac. Moi, je vais répéter le mot de M. Bugeaud. Ça m'agace ce double discours. J'aimerais bien savoir pourquoi quoi vous faites juste pendant la campagne électorale. Vous parlez de la protection de l'environnement. Vous voulez imposer aux provinces un couloir énergétique et un pipeline. Pourquoi il y a aucun respect là? En fait, vous dites des choses, puis une fois que vous êtes au pouvoir ou une fois que vous êtes élu, vous voulez imposer ça aux provinces. On s'en va où vers ça là? Il faut dire la vérité, on est devant des citoyens matures. Est-ce que vous me parlez merci, à moi? Merci, merci Mme Mélac. À vous deux. Mme Vignola du Bloc québécois. Qu'est-ce qu'il y a de mal à aller imposer ceux qui polluent le plus? Qu'est-ce qu'il y a de mal à récompenser ceux qui polluent le moins? Le problème actuellement, c'est que la taxe carbone est réinvestie vers ceux qui polluent le plus dans l'espoir qu'ils mettent en place des actions pour moins polluer. La péréquation verte du Bloc québécois, ce qu'on propose, c'est tout simplement de prendre la moyenne canadienne d'émissions des GES. Ceux qui sont au-dessus de cette moyenne-là payent un certain montant à la tonne. Ceux qui sont en dessous reçoivent ce montant-là à la tonne, ce qui va forcer ceux qui polluent le plus à aller chercher des objectifs qui sont plus bas et à être innovants pour vrai. Parce que ça n'a pas de sens de dire on va faire plus de GES pour faire du profit, on va détruire plus notre environnement, puis en bout de ligne, ben éventuellement, on va réinvestir pour sauver notre planète. Merci, Mme Vignola. Monsieur Baudet. La taxe du carbone est bonne en soi, que c'est quelque chose sur laquelle tous les scientifiques s'entendent. Le problème qu'on a, c'est que présentement, le prix n'est pas assez élevé sur le carbone. Et d'autre part, qu'elle a été promue par un parti qui a acheté un pipeline, qui a subventionné l'énergie fossile, puis qui a donné des exemptions aux grands pollueurs au Canada. Okay? D'autre part, je vais juste dire, ça fait deux fois que j'entends aujourd'hui M. Clark faire l'apologie du capitalisme vert. Là. Si le capitalisme avait un quelconque intérêt dans l'écologie, on ne serait pas au seuil d'un effondrement écologique, d'une extinction de masse puis d'un réchauffement climatique incontrôlé. Merci, M. Baudet. La prochaine question s'adresse à tous les candidats. Je propose de commencer avec Mme Mélac. Devrait-on offrir un accès facilité ou facilitant aux armes à feu pour les Canadiens et Canadiennes? What? Ma position de mon parti et ma position personnelle est non. On ne veut pas aller vers le même chemin que les États-Unis. On ne veut pas... Déjà, à Toronto, il y a tellement des théories puis d'utilisation des armes à feu. On veut vraiment un registre d'armes à feu qui limite l'accès même aux armes à feu. On ne veut pas arriver à cette violence-là déjà. Voilà. Parfait. Merci, Mme Mélac. Mme Vignola. Non. Parfait. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer? Merci, Mme Vignola. M. Baudet? Non. Merci, M. Baudet. M. Clark? Non, bien entendu, mais j'aimerais dire que le registre des armes à feu d'épaule a été un fiasco total. Ça coûtait des milliards de dollars et ça s'attaquait aux honnêtes chasseurs canadiens, québécois. D'ailleurs, les Québécois sont ceux qui chassent le plus au Canada et on est la population qui a le plus d'armes à feu au Canada en termes de propriétaires, monsieur. Nous, notre approche, en fait, ce qu'on dit, encore une fois, il ne faut pas punir les propriétaires, il faut voir qu'est-ce qui se passe. 70% des attaques et des meurtres au Canada, c'est par l'arme blanche. C'est pas par les armes à feu. Nous, ce qu'on dit, par contre, on l'a annoncé il y a quelques jours, on veut intégrer la notion de gang de rue au sein du code criminel. Alors, regardez, par exemple, les Hells Angels. On n'est-tu pas écœuré que ces gens-là s'en sortent sans jamais être sous les barreaux? Bien, justement, un des problèmes, c'est qu'on doit les attaquer individuellement. On peut pas les prendre en groupe. Quand vous regardez Toronto, là, il y a eu plusieurs, problématiques au niveau des armes à feu dans cet été. C'était toutes des gangs de rue. Donc, nous, ce qu'on va faire, on l'a annoncé il y a quelques jours avec le prochain premier ministre Andrew Scheer, on va intégrer la notion de gang de rue dans le code criminel. Et ça va changer la donne. Merci, M. Clark. M. Bugeaud? La réponse, c'est non. Puis nous, on a mis un projet de loi de l'avant pour que les vendeurs d'armes puissent vérifier un peu plus les antécédents. On a choisi de bannir les armes de type militaire parce que Réal est allé à la chasse à l'orignal. T'as-tu vraiment besoin d'un gun comme dans Call of Duty pour pogner ton orignal? Je pense pas. Je suis chasseur moi-même. Je vois pas en quoi on m'enlève quoi que ce soit d'avoir une réflexion qui soit cohérente en termes d'armes à feu. Non, faut pas ouvrir encore plus l'accès aux armes. Faut voir les restreindre, notamment les armes de type militaire. Et c'est ce qu'on s'est engagé à faire. Merci, M. Bugeaud. Une question qui s'adresse à un candidat, M. Baudet, mais encore une fois, tout le monde pourra répondre à cette question. Alors, M. Baudet, votre parti promet une assurance médicaments pour tous et des garderies subventionnées. Il y en a présentement au Québec, mais pas ailleurs au Canada. Alors, qu'est-ce qui fait que nous devrions avoir confiance en votre parti pour mettre cette mesure en place à l'échelle canadienne? Ben parce que c'est bon en soi, hein? C'est une bonne mesure, ça a profité au Québec. Et encore une fois, ça fait partie de nos politiques de lutte à la pauvreté. Effectivement, il n'y en a pas ailleurs au Canada, et effectivement, il y en a au Québec. Et comme pour tous les programmes mis de l'avant par le NPD, le Québec aura un droit de retrait avec compensation, sans droit de regard sur les politiques. Il va avoir l'argent, puis ça va être ça. Merci, merci beaucoup. M. Baudet. M. Clark? Oui, écoutez, bon, le NPD promet ça, les libéraux également, mais laissez-vous pas leurrer, hein, parce que d'abord, c'est un champ compétence provincial, et le fédéral, de manière convenable, fait des transferts de santé comme il se doit. Il faut respecter les champs compétences. Mais je vais vous dire, par contre, le gouvernement libéral sous Trudeau vous promet d'évaluer la possibilité de le faire. Ça fait depuis John Turner qu'ils promettent de le faire. D'ailleurs, c'est une de vos critiques principales en Chambre des communes. Et donc, mais nous, écoutez, on va juste faire en sorte, et d'ailleurs, les libéraux ont tenté de taxer les bénéfices dentaires des Canadiens qui ont des emploi, que ça vient avec l'emploi d'avoir une assurance dentaire. Et donc, comme je vous ai dit, les libéraux, leur objectif, c'est d'éponger leur déficit massif et d'aller chercher plus d'argent, toujours plus, dans vos poches. Mais en ce qui a trait à la promesse d'être l'assurance santé au niveau des bénéfices dentaires, etc., donc l'assurance santé complète, c'est une promesse que les libéraux font depuis 40 ans et qu'ils n'ont jamais tenue. Merci, M. Clark. M. Bigeau. Ben écoutez, nous autres, on s'est engagé à créer un comité pour justement étudier la question, parce qu'au Canada, ben il y a un million de personnes qui doivent couper leur budget de nourriture parce qu'il faut qu'ils achètent des médicaments d'ordonnance. Donc, il y a effectivement un enjeu là, faut s'y attarder. Nous, au Parti libéral, on va créer un comité. Dans le budget 2019, déjà, on a déjà des mesures qui sont là pour favoriser. Oui, on veut s'en aller vers un régime universel d'assurance médicaments. Ça va se faire en collaboration avec les provinces. Au Québec, on l'a. Ça fonctionne. Pourquoi pas s'inspirer de ce qu'on fait chez nous? Merci, M. Bigeau. Mme Hélac? Le Parti vert, c'est sûr, parmi les premiers points là, qu'on veut défendre pour lutter contre l'injustice sociale, c'est un revenu minimum garanti, l'accès aux soins de santé, incluant le soin dentaire. Ça, c'est important. Et c'est sûr que nous, le Parti vert, si on le dit, on le fait. Comparativement aux autres partis, là, déjà, on attend depuis des années et des années, c'est juste des paroles, incluant le NPD. Le NPD, ils étaient élus en 2011. Moi-même, j'ai voté NPD en 2011. Ils ont utilisé 7 millions de dollars pour faire la propagande. Alors, malheureusement, le seul parti qui est fiable, le seul parti qui est là pour vous défendre, et vous avez vu qu'est-ce qu'Elisabeth May, jusqu'à date, a fait. Et c'est le Parti vert. Merci, Mme Hélac. Puis on a toute la plateforme complète. Merci. Merci. Mme Vignola. Écoutez, naturellement, je considère que l'assurance médicaments, c'est une excellente idée, tant et aussi longtemps qu'on ne l'impose pas au Québec, il y en a déjà une. Donc, comme M. Baudet disait, qu'il le fasse au Canada, qu'il fasse les garderies au Canada, qu'il fasse l'assurance médicaments au Canada, très bien. Mais que le Québec ait un droit de retrait, étant donné que c'est pas vrai que la réalité du Québec est exactement la même qu'à Vancouver ou à Toronto. On l'a, notre assurance médicaments. On les a, notre système de garderie. Donc, on aurait droit à on demanderait un retrait sans condition et avec pleine compensation. Vous l'aurez. Merci. Merci, Mme Vignola. Alors, ben voilà ce qui m'est fait à cette période de questions du public. Mine de rien, 20 minutes sont passées. On est rendu à la toute fin au mot de clôture de chacun des candidats-candidates. Une minute est allouée à tout le monde. Alors, encore une fois, l'ordre d'intervention a été tiré au sort. Alors, le premier mot de clôture par Simon-Pierre Baudet du NPD. Merci. La plateforme du NPD cette année est axée sur les deux grandes plaies qui affectent nos sociétés, c'est-à-dire les spectaculaires écarts de richesse et la crise environnementale. Les entreprises canadiennes ont déclaré 350 milliards d'actifs à l'étranger dans des paradis fiscaux en 2018 seulement. Pendant ce temps, on est ici dans Beauport-Limoilou à se plaindre qu'on a le revenu médian le plus bas. Okay? Parce que les gouvernements ont été extrêmement laxistes là-dessus. Et tout le monde nous demande comment vous allez financer vos programmes. On est le seul parti à mettre ça de l'avant depuis le jour 1. On va taxer les riches. De toute façon, on n'a pas de problème. On n'en a pas tant que ça dans Beauport-Limoilou. L'argent va revenir ici. Okay? D'autre part, la seule raison de mon implication en politique cette année, c'est la crise environnementale et la crise climatique. Présentement, les émissions de gaz à effet de serre sont en hausse partout au Canada, peu importe les politiques qui ont été mises de l'avant par les deux pétro-partis qui prétendent prendre le pouvoir, et je veux que ça change avec le NPD. Merci. Merci, M. Baudet. Le mot de clôture maintenant de Alou Patlak du Parti conservateur. Chers citoyens, chères citoyennes, ça a été un bilan de 4 ans vraiment incroyable. Ça a été un honneur de vous représenter et j'espère pouvoir continuer avec votre confiance. Je vais continuer à être proactif, dévoué et accessible. J'ai un plan concret, local, et je vais continuer à le suivre, soit le développement économique local, de briser le cynisme politique en étant un député de proximité et d'assurer des services exemplaires à mon bureau de circonscription. Également, le Parti conservateur du Canada, lorsque nous formerons le gouvernement d'ici quelques jours, nous allons axer sur du positivisme en ce qui a trait au changement climatique, du positivisme en ce qui a trait au fait que la vie est de moins en moins abordable. Ne vous laissez pas leurrer, les libéraux n'auront pas le choix d'augmenter vos taxes et vos impôts. Nous, on va rabaisser cela en équilibrant le budget, mais d'une manière responsable. Et finalement, nous respectons la nation québécoise. Nous allons vous donner un rapport d'impôt unique, plus de pouvoir en immigration, et seulement un gouvernement conservateur va pouvoir s'assurer que la loi 21 ne soit pas contestée. Merci à vous, et j'ai très hâte de vous revoir pour les 4 prochaines années. Merci, M. Clark. Merci. Le mot de clôture maintenant de Julie Vignola du Bloc québécois. Ce soir, premièrement, je vous remercie de votre écoute, de votre ouverture. Ça a été très agréable. Vous avez entendu les propositions ou promesses ou petits coups de bec de 5 candidats qui veulent tous, avec tout leur cœur, vous représenter à Ottawa. Ils ont tous des qualités. On a tous des défauts. On est humains. Aujourd'hui, je vous ai parlé avec transparence et c'est ce que je ferai toujours. Le travail premier d'un député, et je crois qu'on s'entend tous là-dessus, c'est d'écouter sa population. Pour ça, bien, il faut que la population nous parle. Et le 21 octobre, c'est votre premier mot avec nous. Nous avons tous une plateforme, 62 propositions pour le Québec. Pour le Québec seulement. Merci, Mme Vignola. La parole est maintenant à Dalila Elak du Parti vert. Moi, c'est un honneur pour moi d'être ici, de vous adresser la parole pour la deuxième fois après 2015. Depuis 2015, je suis sur le terrain. Ce que je veux maintenant, là, c'est vraiment qu'en tant que citoyenne, avant tout, de vous représenter pour arrêter l'agrandissement du port. Ça, c'est la priorité. Aussi, on veut vraiment mettre fin le plus rapidement possible à l'émanation de l'incinérateur et le projet d'usine de biométhanisation qu'il n'y a eu aucune consultation pour ce projet-là. Autre chose, c'est juste la plateforme du Parti vert qui est la plus humaine. Au niveau de notre authenticité, au niveau de notre plateforme, on veut vraiment vous défendre. On veut vraiment que les citoyens soient écoutés, qu'il n'y a rien qui se fait avant que... Aucun projet ne sera fait avant que vous soyez entendus et vous dites votre position. Merci, Mme Elak. Et dernier mot de clôture, Antoine Bugeaud du Parti libéral. Merci. Merci à tous d'avoir été présents. Merci aux candidats de s'être prêtés au jeu. Écoutez, je m'appelle Antoine Bugeaud. Et au cours des 4 dernières années, j'ai été, moi aussi, sur le terrain à votre rencontre et je peux vous confirmer une chose. On a tous à peu près les mêmes aspirations et on a tous énormément d'ambition pour notre milieu et pour notre circonscription, que vous soyez de Beauport, de Méseret, de Limoilou, de Vieux-Bourg, de Vieux-Moulin. On a tous les mêmes préoccupations. Moi, aujourd'hui, je veux vous dire haut et fort qu'au lendemain d'une élection gagnante où je serai votre député à vous tous, d'où que vous veniez, peu importe vos allégeances politiques, peu importe votre religion. Et s'il y a quelque chose que je veux apporter dans Beauport-Limoilou, c'est un changement de ton politique. Et je m'engage aujourd'hui à mettre tout en œuvre pour changer le ton de la manière avec laquelle on fait de la politique. Le Parti libéral vous a fait la démonstration qu'on était là pour les moins bien nantis, qu'on était capable de soutenir la classe moyenne. Nous, on veut aller encore plus loin. Il reste encore beaucoup de travail à faire. Supportez-moi. Allons-y ensemble. Merci et bonne soirée. Merci. Merci, M. Bugeaud. Alors, je demande encore 30 petites secondes, le temps de remercier tout le monde qui a organisé ce débat parce que j'étais pas tout seul. C'est un débat présenté par Mont-Limoilou en collaboration avec CKRL et le Carrefour de Québec. C'était présenté en direct au Centre communautaire Jean-Guy Drolet. C'est rediffusé sur les ondes de CKRL le mercredi 16 octobre dès 10h. Vous pouvez toujours suivre et ou encore continuer la discussion avec le mot-clic Beauport-Limoilou 19. Alors, merci à Arnaud Bertrand et Raymond Poirier pour l'organisation de ce débat. Merci aussi à... Oui, il faut applaudir. Merci également à Simon Roy pour la technique. Merci à Nathan Saint-Hilaire pour le chrono. Merci à Suzy Genet pour le gazouillage en direct. Merci également à Clélia. Je viens comme ça le... Clélia Gauduchon pour la distribution des affiches. Merci à vous d'avoir été là ce soir également. Merci aux candidats et aux candidats d'avoir participé. N'oubliez pas évidemment d'aller voter aux élections le 21 octobre. Je suis Michael Bergeron. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci.